Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Flashpoint. Alors, au programme de ce soir, donc pour le mois de septembre, une petite news sur un prochain film Suicide Squad. Nous passerons aux news séries télé avec quelques infos sur Supergirl et Teen Titans. Ensuite, pour la déclaration du mois, nous reviendrons sur les propos de Geoff Johns concernant le comic Justice League et son avenir. La rumeur pourrie du mois sera consacrée à Aquaman qui aurait sauvé Clark lors du film Man of Steel. Ensuite, nous passerons aux chroniques des pilotes de Constantine, Flash et Gotham. Pour finir cette émission, nous chroniquerons les numéros spéciaux du mois Futures End. Je suis Wally et vous écoutez Flashpoint. Salut à tous pour ce nouveau numéro de Flashpoint, donc consacré à la période du mois de septembre. Alors donc j'accueille Pinchhead, salut. Salut, salut. Spectra. Salut à tous. Alors à noter que nous sommes le seul podcast comics qui diffusera en introduction un morceau rap. S'il y a des gens qui ont écouté le Weekly News hier, ils comprendront ce que je veux dire. Bon, alors on va commencer par les news ciné, donc, avec un film Suicide Squad, peut-être par David Ayer. Alors, je sais pas, vous connaissez David Ayer ou pas du tout, les gars? Ouais, scénariste de Training Day. Ouais. Moi, je l'ai déjà revu qu'il a réalisé Bad Time et Fury, mais sinon, plus en détail, je n'ai pas vraiment de connaissance de son œuvre. Ouais, Fury, c'est son prochain film là, qui sort au mois d'octobre aux États-Unis. Ce sera un film sur la Deuxième Guerre mondiale, avec Brad Pitt notamment. Donc, je pense que j'irai le voir pour me faire une idée. Après Training Day, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film culte quoi, avec Denzel Washington. C'est dans l'univers du ghetto de Los Angeles quoi. C'est vraiment une tuerie quoi. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, avec Je l'ai Ethan vu, mais je savais Hawke. pas que c'était lui qui réalisait. Ah, il réalisait pas, juste il faisait le scénario. Par contre, il a Ouais, le réalisé. scénario. Ouais. Bad Times, il l'a réalisé et là, beaucoup moins intéressant quoi. Beaucoup moins bon, alors que Training Day, voilà, le mec qui est fan de rap, il y a toute l'imagerie du gangsta rap dans ce film, quoi. Il y a les Monte Carlo, les suspensions hydrauliques, Snoop Dogg qui joue dans le film, Dr. Dre, inspecteur des stups. Enfin, ça, c'est quand même. Dre, inspecteur des stups, c'est quand même un sacré délire, quoi. Donc, ouais, je sais pas, vous l'attendez, ou. Première idée de ce futur film. Vous êtes chaud, ou. Concernant Suicide Squad, bah du coup, alors moi c'est pas une série que je suis tellement en VO, c'est si je vais, ouais, le film je l'attends du coup, mais c'est plus pour ailleurs qu'autre chose quoi. D'accord. Et toi, Vinci? Ben moi j'attends assez le film parce que j'aime bien le concept de la série, je la suis en VO et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur grand écran, puis surtout voir comment est-ce qu'ils vont embriquer tous ces méchants. Dans une série, je veux dire au cinéma quoi. Donc je suis assez chaud pour le film et j'ai hâte de voir le résultat et puis surtout voir qui composera la Suicide Squad. Moi, pour ma part, je lis pas la VO, mais bon, moi, je pars du principe qu'un film d'essai, c'est toujours bon à prendre, quoi. Donc, moi, je suis chaud pour la suite, quoi. Hâte de voir ce que ça peut être. Et donc, j'irai voir Fury pour me faire une idée un peu, voir s'il a progressé depuis Bad Time en étant un réalisateur. Alors, ensuite, donc, toujours dans la partie cinéma, ou plus ou moins, on va dire, film animé, tout ce qui est film. Alors, on en a un peu plus d'informations sur le Justice League God, Vinched. Vinched? Nous avons perdu Vinch. Nous avons perdu Vinch? Oui, mais désolé, je suis là. Ouais. Donc en Alors, ouais. fait, oui, donc il y a eu plus d'infos sur Justice League God. Donc il est prévu qu'il y ait trois animés qui seront Justice League God and Monster Chronicle qui sortiront donc en 2015 et qui serviront de préquel à ce film. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'on voit que l'univers va être plus développé et surtout on aura trois animés avant vraiment le gros Justice League God and Monster qui était prévu. Ouais, à noter, ouais, donc le ton sera plus sombre, après plus sombre que quoi, que les anciens dessins animés de Bruce Timm, ou plus sombre que le New 52, je sais pas, en tous les cas, toujours pareil, moi je suis emballé, quoi, vous en pensez quoi, vous les gars? Alors pour ma part là vraiment question anime, je vais pas me prononcer des masses parce que je suis assez mauvais là-dessus, je les suis pas forcément. Si je tombe dessus à l'occasion, je vais regarder, mais je suis pas la meilleure personne pour parler de ça. Alors moi, bah, je suis assez content que ce soit Bruce Timm qui s'occupe de ça parce que je suis un vrai fan de son travail, donc j'ai grandi avec Batman. Puis après, même en étant plus grand, j'ai adoré sa Justice League, etc. Maintenant, un univers plus sombre, pourquoi pas? Puisque on va dire que les comics et les super-héros, c'est pas vraiment non plus bisounours tout le temps. Maintenant, faut voir comment est-ce qu'il l'adapte et dans quelles conditions sombres aussi, parce que ça reste quand même un animé, donc c'est de la violence pour de la violence, c'est peut-être pas forcément non plus ce qu'il y a de mieux. Donc Les j'ai hâte de derniers voir ce qu'il va donner. Animés DC sont assez critiqués, notamment pour le design. On dit que c'est quelconque. Moi, je trouve que le design se sent quand même bien amélioré, quoi. On n'a plus les gueules carrées et compagnie, quoi. Bon, il reste toujours les corps un peu disproportionnés, un peu trop Ouais, je pense musculeux, on que va dire. c'est le gros problème. Enfin, c'est vrai que j'étais assez fan du design Bruce Timm de l'époque. Maintenant, c'est vrai que l'adapter mieux, ça va, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup des problèmes de design, je trouve, niveau décor. On a un Superman qui est surbodybuildé, Ouais, ça c'est un vrai. Flash dans Flashpoint aussi. Puis leur dernier anime, c'était un peu manga, quoi. Ça c'est un peu le défaut, mais bon, moi jusqu'à maintenant, je comparais les dessins animés DC et les dessins animés japonais, tout ce qui est vraiment OAV et films avec des moyens. Et bon, le design DC sur des animés, moi j'arrivais pas, quoi. Quand c'est les gueules trop carrées ou quoi, je trouvais ça vraiment ridicule, quoi. Donc là, moi, la nouvelle tournure au niveau du design, hormis les corps bodybuildés, je suis pour. L'autre problème des animés, c'est l'animation, notamment sur Son of Batman. Il y avait des fois, ouais, tu te demandes, ouais, là ça faisait vraiment vieux animé des années 90, enfin, Dragon Ball. T'avais des plans mis les uns à la suite des autres, hein. Ça faisait vraiment cheap au niveau de l'animation. Et des fois, le scénario sur le Justice League War, bon, vous me direz, le matériel d'origine, le scénario c'est pas un truc de dingue, quoi, mais peut-être un peu trop de baston, quoi. Mais globalement, moi, les derniers films animés DC, emballé, quoi. Le seul qui m'a saoulé, c'est le Arcanum machin là. J'ai pas vraiment trouvé d'intérêt, quoi. Ça m'a un peu déçu. Mais sinon, moi, les animés DC, ouais, pour moi, c'est du bon boulot, quoi. C'est toujours du plus, comme je dis tout à l'heure, quoi. Le matériel le plus important, c'est le papier, quoi. Après, tout ce qu'on nous donne en plus, c'est toujours bon à prendre, non, vous trouvez pas? Ouais, Tout à c'est fait. clair. Et puis juste pour ajouter sur le redesign des persos, mais je trouve, enfin j'ai l'impression qu'au niveau des personnages féminins, c'était quand même plutôt pas mal, quoi. Elles se baladaient pas à moitié à poil ou voilà, comme ça peut l'être quelquefois dans les comics. Hein. La Talia de Son of Batman, c'est limite quand même un peu. Ah, j'ai Non, pas vu. mais il y a les boobs qui vont exploser, quoi. D'accord. C'est assez abusé, quoi. Ouais, ça c'est énorme. Ouais, on va passer à une information, une série Supergirl. Spectra, on t'écoute. Donc effectivement, Supergirl qui devrait avoir sa série donc sur la CBS. Donc voilà, ce sera focalisé sur Kara Zor-El, née comme son cousin sur la planète Krypton. Elle s'échappera de cette planète aussi en évitant la destruction qui a eu lieu des années plus tôt. Et depuis son arrivée sur Terre, en fait, elle cache ses pouvoirs. Et à 24 ans, elle décide que voilà, son moment est venu et elle décide d'embrasser ses habiletés surhumaines pour devenir l'héroïne qu'elle a toujours souhaité être. Ouais, ben ça c'est pour moi c'est on verra bien, quoi. À noter que CBS est indépendant, ça appartient pas à Warner. Par contre, la chaîne CW, c'est une joint venture entre Warner et CBS. Donc après on en reparlera par rapport aux déclarations du mois, mais il est possible au niveau des droits, vu que CW ça appartient à CBS et à Warner, si jamais ils avaient envie, il était possible d'avoir un univers partagé entre les deux chaînes, quoi. Ça, c'est possible, je pense. Après, s'ils vont le faire, bon, on verra que normalement, si tout se passe bien, ça devrait pas être le cas. Content de cette nouvelle? Ça, je vais un peu te rejoindre sur ce que tu disais sur les films. Hein. Film DC, c'est bon à prendre. Donc, une série DC, moi, je suis plutôt partant. Après, Supergirl, ça peut quand même faire très très peur avec peut-être une tonalité un peu plus teenager, quoi. Mais bon, on peut être surpris. Ouais, à noter que les cinq grosses chaînes américaines, c'est donc ABC, donc Disney. Après, il y a NBC. Donc, sur quatre des grosses chaînes, des cinq grosses chaînes américaines, il y aura un truc DC, quoi. Donc, sur NBC, il y aura Constantine. Sur CBS, il y aura Stargirl. Sur CW, donc, il y a les deux séries classiques. Et enfin, sur la Fox, il y aura Gotham, quoi. Donc, les trucs d'ici, ça intéresse quand même les grosses chaînes, quoi. Après, il reste à voir le traitement qu'on aura pour les nouvelles séries, quoi. Enfin bon, on verra dans les... quand on chroniquera les pilotes un peu plus tard dans l'émission, quoi. Après, on a encore une autre série d'essais. Là, c'est une série Titan sur TNT. On aurait théoriquement un Nightwing leader et comme notre personnage, Starfire et Raven. Bon, là, TNT, ouais, c'est une chaîne du câble qui appartient à Warner. Donc, bon. Potentiellement, s'ils avaient envie, ils pourraient faire un truc partagé, mais bon, on verra donc que c'est pas le cas. Ça aussi, toujours bon à prendre, les gars. Ouais, maintenant un peu déçu par contre que c'est pas un truc partagé, parce que j'aurais bien vu un truc plus comme c'est les Teen Titans, bah, avoir un dérivé, dire des. Allez, comment dire, des sitcoms, des séries existantes. Maintenant, c'est pour pas avoir des doubles, quoi, je vais dire, parce que on va dire que dans les Teen Titans, maintenant, si gardent l'équipe de base, qu'ils ont pris Nightwing, Starfire et Raven. Ça va, mais bon, je veux dire, s'il y a du Kid Flash, s'il y a du Arsenal, Red Arrow ou quoi, j'aurais trouvé ça un peu un double avec ce qui est fait, je veux dire, sur la CW. Maintenant, ouais, c'est toujours bon à prendre, et je trouve que c'est assez énorme d'avoir une série Teen Titans, surtout s'ils s'en donnent les moyens à la TV, quoi. On en parlera après du débat de l'univers partagé, mais bon, ouais, c'est vrai que ça peut être bon. Bon, après, Teen Titans, ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de personnages, notamment avec des pouvoirs. Ouais, bon, bon à prendre, mais bon, quand même, un peu une crainte pour les effets spéciaux, quoi. Et peut-être pour le côté teen potentiel aussi, hein. On Ouais, bah, verra. Et... il risque de faire des économies déjà avec le budget costume de Starfire, donc. Ouais, c'est clair. Maintenant, c'est une chaîne du câble, donc ils peuvent se donner plus de moyens aussi, je veux dire, qu'une chaîne comme ABC ou quoi, pour citer. Ils ont plus de moyens, ils peuvent se donner plus de liberté, je veux dire, d'expression qu'une chaîne qui est publique, quoi. Oui, ils peuvent peut-être plus faire ce qu'ils veulent, mais après, au niveau des moyens, ouais, tu penses qu'ils ont plus de moyens sur le câble que sur les chaînes classiques? C'est bizarre quand même. Non, parce que ça dépend comment est-ce qu'ils les développent. Maintenant, je parle en termes de moyens d'effets spéciaux. C'est vrai que ça peut peut-être faire peur, parce qu'ils ont peut-être pas le budget pour, par exemple, Ouais, voilà. Starfire. Je trouve ça un peu, je vais dire, étrange comme choix. Parce que Starfire, c'est quand même, elle est quand même rouge, elle flamboie souvent. C'est Je veux ça. dire, c'est un peu con de dépenser du budget, je veux dire, pour la mettre en scène constamment. Et ça peut faire peur, ça peut faire un peu kitsch, par exemple. C'est mal développé. Tout à fait, ouais. C'est risqué, hein, les Teen Titans, quand même, hein, en série. Ça fait beaucoup de Ouais, ça c'est personnages, sûr. beaucoup de couleurs. TNT, je sais pas ce qu'il diffusait, mais je crois que c'est... Je sais pas ce qu'il diffusait TNT. Enfin, en tout cas, récemment, de toutes les dizaines de séries que j'ai matées, il n'y en avait aucune qui venait de la TNT, quoi. Ouais, pareil. Ouais, on verra. Et donc ensuite, Spectra, Captain Boomerang débarque dans Arrow. Ouais, dans l'épisode 7, puis il sera donc dans le crossover de l'épisode 8, Arrow Flash. Il sera joué par Nick Tarabay. Alors, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, il est beau gosse. C'est Oui, tout ce bah que je peux dire c'est sur la cet acteur. CW. Il faut qu'il passe bien à l'écran. Ouais, tout à fait. Bon, bah, ça c'est bah, c'est bon, on a bientôt les rogues au complet parce que j'avais vu aussi que Pied Piper, là, le flûtiste, il devrait débarquer aussi. Donc, ouais, on les aura presque tous, je pense. Et c'est tant mieux. Ouais, il ouais, y a moyen qu'on ait un gros crossover, quoi, un bel épisode crossover. En espérant qu'ils aient pas réduit les effets spéciaux avant et après pour pouvoir tout concentrer que là-dessus, quoi. On verra. J'ai vu que Flash, le pilote, je crois qu'il y a 12 millions de personnes qui l'ont vu ou un truc comme ça, ou qui l'ont liké, ou j'ai vu ça sur Internet. C'est assez hallucinant quand même. Ouais, ensuite, bon ben voilà, tout ce qui était news série, news cinéma, ben c'est terminé. On va passer aux news comics BO. Bon, y a pas grand-chose, hein. Bon, on a vu que donc Charles Soule est devenu exclusif à Marvel et quittera DC en mars. Bon, moi personnellement, je m'en bats les couilles parce que je suivais juste Superman Wonder Woman et Red Lantern et Swamp Thing, je m'y étais jamais intéressé. C'est des séries que vous suivez, vous, ou pas du tout? Alors Charles Soule, je le suis pas du coup pour le coup chez DC, mais j'ai lu quelques trucs chez Marvel et je trouve pas que ce soit une bonne nouvelle pour Marvel du coup. D'accord, parce qu'apparemment il est assez apprécié quand même, hein, des fans de comics. Ouais, mais j'ai eu quelques débats houleux avec ça, mais je chez Marvel, franchement, enfin moi je suis un gros fan des Inhumains et voilà, j'adhère pas trop à son écriture, à son style. C'est pas catastrophique, mais je trouve ça assez banal en fait. Y a pas de patte particulière, je trouve. Et apparemment, ce qu'il faisait D'accord. chez DC, contrairement à ce que je pense de ce qu'il fait chez Marvel, c'était plutôt pas mal, quoi. Toi, Vinted, tu suis Red Lantern, sinon il est dessus en VF ou pas encore? Je sais pas du tout. En fait, Charles Soule, je connais pas du tout. Je lis Superman Wonder Woman et Red Lantern, mais je me suis pas vraiment intéressé aux scénaristes particuliers parce que c'est des histoires que j'apprécie, mais qui me disent pas, qui me retournent pas complètement la tête. Donc, à partir du moment où c'est pas vraiment le truc qui me va, après avoir fini mon comics, que je me dis waouh, génial, je vais pas regarder plus que ça sur le mec qui l'a écrit. Donc, D'accord. Ben moi, elle est bien partie la série. Au bout du 2-3e, ça part bien comme il faut, quoi. Bon, après, ouais, c'est pas. Moi, ça me. Ouais, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, honnêtement. On verra bien. Peut-être que Swamp Thing, apparemment, c'est formidable. Red Lantern aussi, mais bon, moi, c'est pas des licences qui me font rêver, quoi. Donc, on verra bien. Mais il avait apparemment bien relevé le niveau de ces séries-là, enfin surtout de Red Lantern, donc je dirais que c'est Apparemment, comme ça a priori que c'est un départ dommage pour DC, quoi. Et Swamp Thing, c'était quand même apparemment excellent, même sans lui. Hein. Quand c'était, je crois que c'était, si je dis pas de conneries, c'était Snyder avant, Ouais, et il c'était paraît que c'était Snyder. excellent aussi avec Snyder. Ouais. Donc ouais, en fait, depuis le changement d'équipe, c'est bien Charles Soule qui est sur Red Lantern, et ouais, donc en fait, il a vachement relevé le niveau, parce qu'avant Red Lantern, pour moi, c'était une série que je lisais parce qu'elle était dans Green Lantern Saga, mais depuis que c'est lui aux commandes, bah, j'ai vraiment apprécié ce qu'il a fait de la série. Donc maintenant, c'est dommage qu'il quitte Red Lantern, j'espère que la série va pas perdre en intérêt. Ouais, t'inquiète pas, elle va être annulée, c'est sûr. Bon. Ensuite, bah vas-y, Spectra, là, Oui, notamment, donc une petite des news infos sur qui est. le prochain arc de Endgame de Batman. Voilà, alors niveau info, on a pas grand-chose, on a juste une couverture à se mettre sous la dent. Avec donc Batman attaqué, assailli par la Justice League, et puis par. Elle est classe, la couverture. Voilà, Super classe la couverture. la couverture est Super classe. Capullo, ouais, elle est extra classe. Et avec cette question, qui utilise les pouvoirs de la lanterne? Mais J'ai même pas vu ça. Ouais, vas-y, ouais, dis-le du coup. il y a la main verte qui en sert Batman, mais on sait pas qui détient l'anneau du coup. Donc je vais me taire parce que sinon je vais faire du spoil, mais voilà, tout cela est bien intriguant. Et à noter aussi que le prix va passer à 4,99$ pour les numéros 35 à 37. Ce qui aura apparemment un supplément de page. 30 pages par épisode du vieux. Ben moi je suis étonné quand même que Snyder il mette la Justice League parce que si je dis pas de conneries, depuis le début de Batman, à part la Bat Family, il s'en bat les couilles du reste. Donc ben c'est bien, c'est une bonne chose. Il s'ouvre, c'est cool. Ouais, il y a tout ce qui gravite autour de Batman, enfin Snyder, ouais, n'en a pas grand-chose à faire apparemment. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais t'as pas Ah ouais, l'impression c'est des clair. fois d'être toujours bien inscrit dans la continuité, mais bon. Tant mieux s'il s'ouvre. Ouais, tant mieux, ouais, c'est clair. Et puis bon, ça va être par contre encore un arc en je sais pas combien de parties, parce que les trois premiers numéros, je crois que c'est que la première partie de l'arc. Donc on est encore parti sur un truc qui va durer je sais pas combien de mois, quoi. Avec sûrement, enfin, une conclusion encore limite, je pense. Enfin, on verra, j'en sais rien, je dis ça, mais bon. Normalement, j'aime pas prédire ce que je n'ai pas encore lu. Ah, c'est On une va crainte qu'on passer. peut avoir avec Snyder. Hein, il lance souvent des concepts ultra intéressants, mais par contre, pour les finir et les réutiliser après, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Moi je dis pas Batman, le seul titre Batman que je lis c'est Eternal, donc voilà, je vais m'abstenir. Bon, on va passer aux news comics VF. Alors Vinch, on t'écoute. Donc voilà, le scandale du mois, Green Lantern Saga, donc passant trimestriel. Ça, Bouh! c'était déjà officiel. Maintenant, Urban a confirmé, c'est sûr et certain, donc New Guardian et Red Lantern passent définitivement à la trappe. Une fois, donc Red Lantern fit le crossover avec Supergirl. Et New Guardian, dès le prochain numéro, ce sera fini, terminé. Aucune news si à jour ils sortiront en librairie ou non, mais C'est vu mort, leur c'est mort. annonce, à mon avis, on peut les oublier. Ouais, c'est mort. Donc voilà, Green Lantern Saga sortira tous les 3 mois avec. Ils se concentreront uniquement sur les gros crossovers. Et donc, oui, ces séries reviendront uniquement s'ils sont utiles dans un arc. Donc, fini tout ce qui se passe entre. C'est un peu dommage, je trouve. Donc, ensuite, l'autre news, c'est les séries 52 qui arriveront juste après Infinity Crisis. Et donc, on a appris que ce n'était pas avant 2016. Bah, concernant Green Lantern Saga, c'est un peu bizarre. Ils vont mettre du contenu, on va dire, historique dans un kiosque. Moi, je vois pas l'intérêt parce que moi, j'achète pas de kiosque. Je prends que de la librairie. Donc, tout ce qui est historique, je préfère l'avoir dans une belle collection que de l'avoir en magazine. Donc, c'est assez bizarre. Après, on peut peut-être se dire qu'ils font ça pour attirer les lecteurs librairie à se pencher dessus, pour ramener un plus grand lectorat. Ouais, je pense qu'en fait ils ont mal compris ce que les gens demandaient, parce que beaucoup demandaient des oldies, ce qui est vrai, ça peut toujours être intéressant, mais ils le demandaient surtout en librairie. Ouais, Et c'est ça, eux, carrément. ils ont peut-être pas vraiment saisi le truc. Ils se sont dit, vu que des gens nous en demandent et vu que les kiosques se vendent pas terrible, on va faire les deux ensemble. Mais bon, comme la concurrence l'a ressenti, des oldies en kiosque, c'est pas vraiment ce qui intéresse les gens. Moi, Green Lantern, j'adore, mais j'ai très certainement pas de kiosque Green Lantern, quoi, ça c'est clair. Moi, enfin, après, chacun ses goûts, mais bon, moi, c'est clair que je fais pas la collection des kiosques, quoi. Après la série 52, bon ben, ouais, moi je suis un peu déçu parce que Infinite Crisis, le premier numéro, il est sorti au mois de septembre, le deuxième, je crois que c'est au mois de janvier ou février. Bon, après, je me doute, hein, ça ne doit pas vendre des caisses, donc c'est quand même bien qu'ils nous le proposent. Ça Oh, c'est compte. très bien. Pardon? Oh, c'est très bien qu'ils proposent. Maintenant, ils espacent. C'est vrai que ça ne va pas se vendre des masses. Puis aussi, surtout au niveau prix, ça permet de faire l'économie pour que les gens puissent l'acheter. Maintenant, c'est vrai que se projeter dans 1 an et demi pour avoir la fin, c'est vrai que c'est long. Bah ouais, c'est carrément, surtout qu'en contrebalançant, je pense que Batman, ils doivent se gaver grave avec des titres Batman, donc bon, à la rigueur, peut-être qu'ils pourraient éviter de sortir des titres inutiles, bon, c'est mon avis, hein, ne m'insultez pas, mais des titres inutiles comme Power Girl, ou des titres comme Supergirl, que bon, voilà, c'est clair que ça se vend pas, le Supergirl 1, ils l'ont sorti quand il y a eu Man of Steel, le 2, il va sortir dans 8 ans, parce que tout le monde s'en bat les couilles de Supergirl, faut dire la vérité, donc peut-être qu'il y a des titres qu'il faut pas sortir, et les titres qu'il faut sortir, mettre un tirage, on va dire, un peu plus, moins élevé, mais... Pas tous les 4 mois, quoi. Enfin, je sais pas. Ah, ils Bon, enfin, ont Supergirl, putain. Supergirl, j'aime bien, mais c'est vrai qu'ils auraient pu le laisser en exclusivité kiosque, parce que je trouvais pas ça fort utile de le sortir en librairie. Mais tu penses que les gens, Donc, ils vont acheter Supergirl en librairie, franchement? non, enfin, pas trop. Ben, ça se vend pas, c'est la preuve, mais Ben voilà, mais ça... c'était bien Ouais. d'avoir des trucs dans le kiosque en plus, quoi. Je voyais pas l'utilité, surtout que Supergirl est hyper touchée par tout ce qui est crossover, donc c'est hyper difficile et compliqué à sortir en librairie. Et je pense que c'est déjà de 1 les ventes catastrophiques, plus justement cette histoire de crossover qui les bloque carrément à sortir la suite. Non, mais en plus, je veux dire, il y a tout le monde entier, il n'y a pas que moi, hein, qui veut du Flash en librairie, quoi. Putain, au lieu de sortir Flash, ils nous ont sorti Supergirl en librairie et Power Girl. Enfin, je veux dire, putain. Et là, ils vont nous balancer Arrow. Bon, Arrow, je peux comprendre, vu qu'il y a la série, ils vont en vendre, tu vois. Mais je pense qu'il y avait plus important à sortir que. Je sais pas, il y a des gens aussi qui attendent Red Hood and the Outlaws impatiemment. Enfin, je sais pas, c'est estampillé Batman, je pense que ça vendra toujours plus que du Supergirl, quoi. Enfin, moi, j'aime pas critiquer parce que Urban, ils font quand même du sacré boulot, mais il y a des fois, quand même, j'ai du mal à comprendre un peu leur démarche, quoi. T'en penses quoi, toi, Spectra? Moi je vous trouve de mauvaise foi, j'ai acheté Supergirl. Ah, Non, d'accord. non franchement ouais, je comprends. Après il y a quelques publications de Batman que je trouve un peu douteuses, notamment les publications Ouais, mais. issues de la série VO The Dark Knight. Ouais, mais ça, à la rigueur, tant mieux qu'ils le sortent, tu vois, parce que, comme je t'ai dit, au moins ils font des sous et ça leur permet de proposer des séries qui vont se vendre un peu moins, tu vois. Du Batman, qu'ils en sortent 20 titres par mois, hein, si ça peut permettre d'avoir des petits titres à côté, tant mieux, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais je veux dire, quand tu sors des petits titres, sacrifie pas ton truc en balançant du Supergirl ou du Power Girl, tu vois. Mais un gros truc, quoi, putain, je sais pas, quoi. Enfin, c'est mon Earth 2, tu vois, ça a rien à faire en kiosque, mais en librairie, parce que ça, c'est. Depuis le début, il n'y a pas eu un seul mauvais numéro, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, tu vois Flash, je me demande quand c'est qu'ils vont sortir quoi. Là, ça fait 2 ans Dans que. 2 ans, je crois. Ouais, mais. Ouais, dans 2 ans, tu vas avoir arrivé la série, plus la série à la con en numérique que j'ai commencé, mais c'est nul, mais ça a aucun intérêt. Et on va avoir 4 ans de retard quoi. Enfin, je sais pas, Alors, ça me Flash, frustre. c'était vraiment pas dans leur plan en plus, hein. Je leur avais posé la question l'année dernière. Ah, ouais, je leur ai envoyé 1 million de mails à chaque fois, c'est non, non, non. Et vu qu'il y a tout le monde qui en parle, ils vont devoir le sortir un jour ou l'autre quoi. Je veux dire. Mon avis, cette année, à la PCE, on aura encore les questions sur Flash. On va voir comment est-ce qu'ils vont répondre. De toute façon, je pense que tu vas voir. Là, de toute façon, si tu regardes bien, les collections Geoff Johns, c'est bientôt fini. Green Lantern, c'est bientôt fini. Et Superman, il en reste un et c'est fini. Donc, ils vont devoir les remplacer. Donc, C'est vrai que du Flash, ce serait pas même pas s'ils sont pas obligés de. Parce qu'ils répondent souvent, on préfère garder Flash en kiosque. Mais je veux dire, il n'y a pas que le New ah oui. 52 sur Flash, donc. Moi, j'avais commencé à lire le Geoff Johns avant les New 52. Bah, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Le peu que j'ai lu, c'était cool, tu vois. Donc, ils pourraient faire une collection Geoff Johns présente Flash. Juste ça pour commencer, tu vois. Bah, je sais pas, hein. Ma foi. Ou ils aiment bien faire des collections, ils vont quand même inventer une collection Mark Waid présente Flash. Mark Waid, c'est pareil, il est resté je sais pas combien de temps sur le titre, il pourrait très bien faire une collection Mark Waid, quoi, tu vois. Ce serait Ouais. intéressant ouais, pour le coup. Ma foi, bon, bah, on verra, de toute façon. On va passer à la déclaration du mois. Donc Geoff Johns qui, encore une fois, explique pourquoi. Enfin, déjà, il reconfirme que les films et les séries TV sont pas dans le même univers. Que si jamais tout le monde évoluait dans le même univers, ce serait très compliqué parce qu'il faudrait gérer les répercussions d'un média sur l'autre et qu'il faudrait l'approbation des réalisateurs, et etc., etc., que ce serait très compliqué. Bon, moi, j'adhère à 100%, quoi. Dites-moi ce que vous pensez, après je vous dirai mon point de vue. Moi Entre les films et les séries. j'adhère Qu'en à pensez-vous? 100% enfin au fait de qu'il n'y a pas forcément il y a pas forcément besoin d'un univers partagé. C'est vrai que dans un monde idéal ce serait super cool, mais on sait très bien que enfin voilà, t'as pas le même budget pour les séries que pour les films. Au niveau effets spéciaux c'est quand même compliqué, assurer les répercussions de tel ou tel film, Bah, ne serait-ce que, ça risque d'être ne trop serait-ce chaud que, quoi. bah, si tu regardes un film, ça sort. On prend l'exemple de Flash, comme bon, c'est mon personnage préféré, apparemment un Vinch aussi. Donc bon, tu prends l'exemple de ça. Imagine, ils font un film sur Flash. Le deuxième film, il va sortir quand? Dans 2, 3 ou 4 ans. Ok? Parallèlement à ça, tu as une série télé. Comment tu gères le truc? Tu as un rythme d'un épisode par semaine par rapport à un truc, un film tous les 2 ou 4 ans. Tu fais comment pour gérer le truc? Il va se passer des trucs dans la série TV, tu les répercutes dans le film. Le mec de base qui a jamais allumé sa télé, qui va voir le film au cinéma, il va rien comprendre. On n'est Bah pas d'accord? oui, c'est clair. Et puis le fait qu'il n'y ait pas un univers partagé, ça permet d'avoir aussi plusieurs versions du super-héros que tu adores. Donc c'est pas plus mal aussi hein, d'avoir plusieurs lectures sur un personnage. Parce que si tu regardes Marvel, regarde, eux, ils ont donc un univers partagé, mais en série, c'est quoi, Agent Top Shield, c'est que des personnages secondaires, voire que personne. Enfin voilà, c'est vraiment des personnages secondaires, donc tu peux leur faire faire tout ce que tu veux, vu qu'ils ne sont pas dans les films, ou à part Coulson sur Avengers. Mais globalement, voilà, c'est un univers partagé, mais il n'y aura jamais Thor qui va venir dans la série télé. Donc Alors, là, dès le moment où tu choisis d'avoir un Flash au cinéma et un Flash à la télé, ben c'est logique, tu peux pas avoir un univers partagé. Enfin, je vois pas le. Moi, je pense que c'est inconcevable. Vince, qu'est-ce que t'en penses, toi? je suis d'accord à 98% parce que bah, en fait c'est juste une question de fan service. C'est vrai que ça aurait été j'aurais trouvé ça genre excellent de voir Flash la série TV débarquer dans le film ou Arrow. Maintenant c'est vrai que niveau budget, réalisation et possibilité, c'est ultra limité, ultra compliqué. Comme tu le dis, je vois mal se passer 3 ans d'une série et maintenant répliquer ça dans le film. Il suffit déjà de voir dans Arrow où ils sont déjà occupés à épouser des vilains des fois de Non, l'univers Batman, etc. c'est clair. Donc je dis que ce serait super chaud à gérer pour les gens, parce que soit il se passerait que dalle dans les épisodes, C'est on ça. aurait des épisodes sans intérêt, ou alors on arriverait dans les films où en fait tous les trucs auraient déjà été épuisés et le film serait nul. Ah, ben Puis je ouais, suis bon, ouais, on tout a à fait dit bah, d'accord. c'est bien d'avoir aussi plusieurs réalisations, on a le comics, on a les animés, on a les séries, on a les films, donc chacun a sa place. Par contre, il a aussi parlé de la télé. Là, par contre, je suis un peu. Là, je suis pas d'accord avec Geoff Johns, donc il dit que les séries télé ne seront également pas liées. Ça permettra donc d'offrir plus de liberté aux auteurs. Là, par contre, je suis un peu. Je trouve que c'est dommage. C'est sûr que c'est difficile à gérer vu qu'il y a, je sais pas combien de séries qui vont arriver. Mais bon, quand tu regardes la Fox, on peut dire que c'est dans son propre univers vu que ça se passe avant. Donc ça, on n'y touche pas. Après, Arrow Flash, c'est dans le même univers. C'est bon. Constantine, ça peut très bien être dans le même univers dans le sens où il est dans son coin aussi. Donc tu pourrais très bien faire des petits clins d'œil qui passent comme ça, et puis peut-être une fois par saison les réunir, mais je pense que ça aurait été. Là ils auraient pu faire quelque chose par contre. Au sein d'un Ouais. même support média, ouais, là, il y aurait eu moyen de faire quelque chose. Ouais, tu vois par exemple Flash et Arrow, j'en sais rien, moi ils ont besoin de trucs occultes, mystiques, un peu d'aide, ben voilà, sur un épisode, Constantine débarque, quoi. Et puis inversement, quoi. Ça aurait pu être faisable. Par contre, vu qu'il y a en plus une série Teen Titans où il y aura probablement des personnages de Arrow et Flash qui vont réintervenir dans cette série, là ça devient beaucoup plus compliqué, je pense. Ouais. Je trouve ça assez dommage d'ailleurs, parce que j'aurais trouvé ça cool qu'il développe le côté sidekick. Déjà, on l'a déjà dans Arrow maintenant, vu que Arsenal est là dans la nouvelle saison 3 en costume et tout. Donc, j'aurais trouvé ça cool qu'on le voie dans Arrow, quitte dans la saison 4 ou 5, voire un peu moins, et qu'il passe dans la série Teen Titans. Pareil pour Flash, que je sais pas, dans la saison 3 ou 4, si la série marche, ben, il y a petit Flash qui vient et puis qui part dans la série Teen Titans. J'aurais trouvé ça intéressant. Puis je sais pas si on pourrait gros final, le crossover, d'avoir les Teen Titans qui viennent, genre un épisode qui commence sur Arrow, qui passe sur Flash, qui finit avec Teen Titans. Je trouve ça un peu dommage qu'ils s'occupent pas de la série. Parce que ça a quand même du potentiel et il y a surtout des personnages qui risquent de revenir. Donc je trouve ça un peu con. Ouais, au moins, vu que bon, on va dire Constantine c'est sur NBC, donc ça leur appartient pas, mais au moins qu'entre la CW, CBS et TNT, donc deux chaînes qui leur appartiennent et une chaîne qu'ils possèdent à 50%, ouais, ils auraient pu faire un truc quand même. J'ai peur aussi qu'on ait encore Deathstroke parce que ben, Deathstroke c'est le grand méchant je veux dire, de Arrow où apparemment on va encore le voir, mais c'est aussi un des gros némésis des Teen Titans pendant longtemps. Donc s'il commence à réutiliser Deathstroke mais que c'est pas la même version, ce serait un peu dommage. Et en plus, les gens vont peut-être pas forcément non plus, surtout que c'est du sport TV, je veux dire film TV, déjà il y a des gens qui vont peut-être se poser des questions, mais TV, ça va peut-être un peu être spécial aussi. Bah, je sais pas, comment est-ce... ça dépend comment est-ce qu'ils vont gérer ça, comment ils vont les introduire, ça à voir dans le futur, quoi. Ouais, puis il faut D'accord, encore que les tu veux finir séries sur qu'ils quoi? vont Ouais. lancer fonctionnent, hein, parce que Supergirl, c'est pas dit que les gens accrochent, les Teen Titans non plus. Ouais, CBS, c'est une grosse chaîne quand même. Puis justement, ça permettrait de booster les trucs, je pense. Si les trucs étaient interconnectés, enfin pas interconnectés sérieux, mais je veux dire, où il y avait des clins d'œil, des apparitions, quoi, ça boosterait les gens, je veux dire, à suivre les séries, à les regarder, même si ce sera peut-être pas la série qui, au premier regard, va attirer les gens, quoi. Après, il faut voir, hein, parce que c'est pas le même ton, CW et CBS. Si je dis pas de conneries, CBS, je crois que c'est eux qui passent les Experts et NCIS. C'est loin d'être des séries cultes, hein, mais c'est un ton différent de la CW qui est quand même super orienté adolescent, quand même. Donc je sais pas, à voir. Hein. À voir. Ensuite, toujours donc dans la déclaration du mois, donc. Jeff Jones, toujours, il tease un comics Shazam avec Gary Frank. Notamment par Twitter en disant qu'il devrait faire plus de Shazam. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle, je dirais, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de Shazam à part en backup et quelques apparitions dans Justice League depuis, mais je trouve qu'il n'est pas assez présent. Et puis, je pense, comme la version est fort différente de ce qui a été fait pré-Infinity 2, je pense que ce serait intéressant de développer son univers et surtout d'en voir plus. Donc, pour moi, bonne nouvelle. Maintenant, à voir si la qualité sera au rendez-vous. Ouais, Spectra. Ouais, Shazam, ouais, j'ai pas encore trop de connaissances sur le personnage, pas particulièrement d'affinité non plus. Pour l'instant, je commence à l'apprécier de plus en plus au sein de la Justice League. Après, oui, bonne nouvelle, parce que Geoff Johns et Gary Frank, donc disons que voilà, je vais plutôt dire bonne nouvelle quant au CV de ceux qui feront la série. Ouais, moi je suis tout à fait comme toi, Shazam, je connais que ça, j'ai même pas fini les backups. Donc ouais. Deux bons auteurs. Donc ouais, moi je. Ouais. Pourquoi pas suivre cette série. Ensuite, donc pour ces derniers mots de ce mois-ci de Geoff Johns, donc il parle de la suite de Justice League. Donc là ça va spoiler, donc Vinch, bouge tes oreilles. Alors donc notamment donc sur la Justice League, avec le prochain arc, avec Virus Amazo qui serait relâché dans le monde. Après ça, on aurait donc le fameux Darkseid War teasé par Geoff Johns. Et là, il apporte des informations supplémentaires en disant Darkseid contre l'Anti-Monitor et avec au milieu de tout ça, donc la Justice League. Alléchant quand même, non? Ah ouais, là c'est super alléchant, là ça donne bien envie, à fond, à fond, à fond. J'ai hâte, surtout le Darkseid Wars là, ça. À la limite, Toi, l'arc sur Vinch? Amazo, ça risque d'être un peu long, comme arc. C'est clair. Ouais, j'ai lu les news et ça donne envie, on a envie de voir, on s'attend à du lourd, du très lourd. Maintenant, j'espère qu'on sera pas déçu. Et ouais, non, sinon la guerre, la Dark Side War donne envie, puis on a envie de savoir ce qu'ils vont faire de l'Anti-Monitor. Donc ouais, très envie de dealer tout ça. Moi, j'ai fini le Justice League 34 là, qui est sorti hier. Et bon, ben, voilà. Prochain numéro, apparemment, ça attaque Amazo. Donc, ça a l'air bon. Hâte de voir tout ça, quoi. On va passer à la rumeur pourrie du mois. Alors vas-y Spectra, on t'écoute. Alors attention, la super rumeur pourrie du mois, ce serait Aquaman qui aurait sauvé Superman dans Man of Steel. Alors en fait, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné dans le film, il y a une scène au tout début là où il y a la truc de pétrole, la plateforme pétrolière qui explose et donc il atterrit dans l'eau en fait. Et on voit des baleines qui passent au-dessus de lui. Et la rumeur pourrie du mois, ce serait qu'en fait Aquaman aurait envoyé les baleines. Et durant cette ellipse, parce qu'après ça, si je me rappelle bien, on passe directement où il arrive torse nu là sur le rivage, et puis il va taper des habits à une bonne femme là. Elle est en train d'étendre des vêtements, il passe, il les prend, il s'en va. Et donc la rumeur, ce serait qu'en fait l'ellipse là, ce serait que Aquaman, c'est lui qui aura envoyé les baleines pour sauver Superman. Alors vous en pensez quoi? C'est pourri ou c'est ultra pourri? Ouais, c'est bien pourri quand même. Ouais, c'est pourri. Enfin, je vois pas le but, je trouve ça un peu con. Ils pourraient, ouais, ils peuvent laisser des petites zones comme ça pour après réintroduire des personnages, mais bon, c'est vrai, quand j'ai vu ça, quand même, j'ai assez halluciné quand même. Je trouve ça vraiment bien ridicule, quoi. Ah, j'espère qu'ils vont pas l'introduire comme ça. Pourquoi pas, hein, mais qu'on l'ait vu avant, bien introduit, comme il faut, parce que là. Ouais, oui, il pourrait faire, tu sais, ou dire au début que voilà, je t'ai sauvé la vie. Ah bon, quand, bah écoute, tu te rappelles pas quand un truc elle a pété, j'ai envie des baleines pour te sauver. Ouais, ça. Ouais, ça, quoi. Je pense qu'ils s'en serviraient comme ça, en tout cas, si c'était vrai, mais bon. En tout cas, ouais, c'est bien pourri, quoi. Ça sonne mal, hein, quand tu le dis à haute voix, j'envoyais des baleines pour te sauver. Ah ouais, c'est ça, Aquaman, il parle poisson. Alors, donc, on va passer ensuite donc au review donc des pilotes. Donc, la fois d'avant, on avait zappé complètement parce que c'était la première. On n'était pas bien prêts. Donc, on va commencer par le pilote de Gotham. Alors, qui veut commencer? Moi. Vas-y, on t'écoute. Alors, le pilote de Gotham, donc du coup, moi j'ai voilà, je vais le dire direct, j'ai clairement adoré. J'ai vu sur les sites tout ça que le retour était quand même assez mitigé, donc je pense que c'est mon côté fanboy qui parle, mais moi j'étais Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit ton côté fanboy. Vas-y, continue, mais vas-y, vas-y. entièrement séduit déjà par l'esthétique de la série. La Gotham, elle est vraiment mais telle que je me l'imaginais, quoi. J'ai jamais vu une Gotham aussi bien représentée, hormis dans l'animé, quoi. Mais non, franchement, au niveau de l'image, de la photographie, tout ça, des fields, c'était super beau. Après, bon, bah, concernant le jeu des acteurs, on reste dans une série télé, donc des fois, ça sonne pas toujours très juste. J'ai adoré la dynamique instaurée entre Gordon et Bruce Wayne. Et non, franchement, ça laisse présager du meilleur pour la suite, pour ma part. J'ai vu l'épisode 2, d'ailleurs, que j'ai bien aimé aussi. Après, Ouais, moi aussi, c'est mieux encore. rend des reproches, ce que je ferais, c'est la musique à certains moments, dans les scènes un peu d'action, qui n'est pas transcendantale. Et gros point positif que j'ai oublié, Cobblepot. Franchement, au top. Ouais, il joue bien, Ouais. L'acteur, là, c'est vraiment la némésis de Gordon dans la série. T'as les deux. Les deux vies en parallèle, je trouve ça top. ouais. Vinch? Ouais, donc moi j'ai regardé, j'ai bien aimé aussi. C'est vrai que c'est une série TV, maintenant j'ai bien apprécié, à part bah, Selina Kyle, je le dis direct, j'aime pas trop le fait qu'elle soit déjà entre guillemets une Catwoman enfant. Elle se fait déjà appeler Cat, donc diminutif de Catwoman. Dans Elle a un l'épisode 2. Ouais. semblant de déguisement de Catwoman, elle se balade sous les toits, elle espionne, elle vole. Enfin, pour moi, c'est Catwoman version enfant. Ensuite, sinon, ouais, j'ai vraiment bien aimé Gordon. J'aime bien comment il se débrouille. Je trouve qu'il interprète bien le Gordon jeune que j'imaginais. Bullock, maintenant, j'aime bien aussi. Je trouve sa dynamique avec Gordon qui se ficelle de mieux en mieux. Maintenant aussi, ce que j'ai moins aimé, c'est Bruce Wayne. Je vais dire, je trouve ça un peu exagéré que le gosse, il a 8 ans, il vient de voir ses parents mourir. Et il est déjà un peu dans un délire badass. En plus, truc que j'ai pas trouvé très cohérent, c'est à la fin donc Gordon qui vient demander pardon et conseil à Bruce Wayne de 8 ans. Je trouvais ça un peu trash. Ben, je sais pas, je vois mal dans la vraie vie un gosse de 8 ans qui vient de voir ses parents mourir et le commissaire qui va lui dire est-ce que ça te dérange si je nettoie la police de Gotham et que je trouve le mec qui a tué tes parents? C'est un peu spécial le concept. Sinon j'aime bien et j'ai hâte de voir comment la série va évoluer. Et c'est vrai que le pingouin est vraiment bien réalisé. Au début, je le trouvais fort grand et mince, je veux dire, par rapport au personnage des comics, pardon. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'il interprète vraiment bien le personnage. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Moi, donc je vais réagir aux critiques que j'ai vues sur les sites et que j'ai entendues sur les podcasts, comme quoi il y a trop de fanservice dans le premier épisode. Moi, je pense que les gens, ils n'ont pas compris qu'en fait, la série, elle s'adresse pas aux 0,001% de la population mondiale qui lit des comics. Je pense qu'ils en ont rien à branler de ces gens-là. Ils veulent faire une série sur une chaîne équivalente à TF1, donc une chaîne qui passe un truc pour pas grand public parce que c'est un peu gore, mais pour un large public. Donc ils ont mis tous les personnages dans le premier épisode et c'était pour intéresser les gens parce que je pense que tout le monde aime un peu Batman et les gens ils ont quelques souvenirs de personnages quoi parce que je pense pas que les gens ils soient tous fans du pingouin de Poison Ivy ou tout ça donc ça permet dans un premier épisode de montrer tous les personnages et aux gens qui débutent de se rappeler tous ces gens-là quoi. Après la musique j'ai pas fait attention donc c'est que j'ai peut-être pas trouvé si nul que ça parce que j'ai même pas réagi. Voilà, après l'histoire, ben, ça va être une histoire policière classique comme il y a sur ces chaînes-là, c'est-à-dire que tu auras chaque fois un nouveau criminel à arrêter avec un fil rouge derrière Mais bon, c'est pas, on n'est pas sur AMC, quoi. Donc ça va être voilà, une série un peu à la Blacklist, quoi, qui passe sur la même chaîne. Donc comme je dis, avec une intrigue en fond, et puis chaque semaine un nouveau criminel, et puis je pense qu'à la fin, ça formera un tout. Mais sinon, les acteurs, ils sont loin d'être mauvais. Je veux dire, peut-être Donald Logue, tout le monde dit qu'il est trop fort, mais moi, je viens de regarder Viking, et j'ai fini la saison 6 de Son of Anarchy quand il était passé. Et tu prends le Donald Logue de ces deux séries et le Donald Logue de Gotham, là, j'aime moins, je suis moins convaincu. Après, globalement, ouais, c'est un pilote. Tu peux jamais juger un pilote à son comme ça, quoi. Parce que tu rentres dans un, même si c'est du Batman et que vous êtes fan de Batman, tu rentres dans un nouvel univers avec des nouveaux personnages, une nouvelle façon de faire, un nouveau rythme. Donc, si tu prends tous les pilotes des séries cultes, qui c'est qui va me dire qu'il a surkiffé le premier épisode de The Wire ou de Breaking Bad, quoi. Donc, un pilote, voilà, c'est faut se mettre dedans, ça prend du temps, et puis normalement, au bout de 3, 4, 5 épisodes, on commence à se faire un avis sur la série, quoi. Mais globalement, voilà, moi je pense que ça démarre bien. Je vais pas critiquer le 2, mais voilà, le 2, voilà, ça continue un peu à pousser, et puis voilà, pour moi, ça démarre bien. On verra sur la suite. On va passer à bon, ben, Flash. Alors, vas-y, Vinch, on te laisse commencer. Flash, bah, j'ai regardé le pilote durant les vacances. Alors, on précise bien que c'est le pilote, et apparemment, il y a encore, je crois, 2 ou 3 minutes qui ont été rajoutées à Ouais, tout à fait. l'épisode. Voilà. Et encore un truc, on n'est pas des vilains pirates, machin, bidule chouette, c'est juste qu'en fait, c'est clair et net que la CW, ils l'ont mis sur Internet, comme NBC a mis Constantine, pour que les gens se fassent une idée et que ça commence à buzzer, quoi. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Ça a marché visiblement. Bah, Donc carrément. voilà, le pilote, j'ai vraiment adoré. J'étais beaucoup réservé par Flash parce que bah, j'adore le personnage et donc j'avais peur d'avoir un truc trop kitsch ou avec trop peu de budget parce que c'est quand même la CW, je vais dire c'est une chaîne TV donc je me suis dit au début bon ben je vais regarder ça avec beaucoup d'appréhension mais j'ai adoré donc je trouve déjà le personnage on critiquait beaucoup donc Grant Gustin au début j'ai trouvé qu'il était très bien dans le rôle. Faut pas oublier non plus qu'on a un Flash jeune donc débutant c'est le but donc c'est pas c'est normal qu'il soit peut-être une carrure je veux dire moins développée qu'il soit plus jeune etc. Je veux dire, je pense que c'est le but recherché. Donc ensuite, donc le personnage, j'ai trouvé qu'il était bien interprété. J'aime bien le Barry Allen qui est présenté. Les flashs, les effets spéciaux sont très bien. Donc on ressent vraiment l'effet de vitesse. Et alors, dans l'ensemble, dans la globalité, à part deux, trois petits triangles amoureux qui se présentent déjà, mais ça, on est sur la CW, je pense qu'on n'y coupera pas. J'ai trouvé l'histoire qui partait déjà bien. Et donc toute cette histoire de méta-humain qui présage du bon. Maintenant, j'ai deux appréhensions. C'est que j'espère qu'on n'aura pas quelque chose à la façon Smallville, un épisode, un super vilain arrêté, qui a été créé à cause de l'accélérateur de vitesse. Et deuxième chose que j'ai trouvé aussi dommage, c'est qu'à la fin, Barry perd son masque alors qu'il avait tout ça parce qu'il avait été très vite. Si à chaque fois il perd son masque quand il utilise la force Véloce, je pense que ça va poser un peu problème. Donc j'espère que dans la. Pour aller par rapport à ce que tu disais, un méta-humain par épisode, je pense que ça va être comme Arrow. Arrow, c'est un peu le même schéma, vu que c'est les mêmes producteurs et compagnie. Il y aura à chaque fois donc un nouveau vilain, mais tu auras toujours une sorte de fil conducteur derrière, quoi. Je Mais pense que ça dans va être ça. Arrow, c'était le début de la saison 1 qui était comme ça. Après, ils ont un peu plus évolué. C'était soit des vilains qui revenaient. Où je vais dire, c'était pas non plus à la façon Smallville, quand je dis comme Smallville, donc Smallville c'était vraiment Ouais, parce un que. freaky monster qui venait à chaque fois, Oui, qu'il mais fallait parce que. arrêter, mais il disparaissait après dans Arrow, une fois au milieu de la saison 1, et dans la saison 2, bah, c'est souvent des trucs qui sont réutilisés. T'as quelques épisodes qui sont coupés, je dirais un vilain précis, mais il meurt pas forcément, il disparaît pas forcément, ils peuvent réutiliser ou ils sont réutilisés après. Oui, mais C'est. c'est parce que le fil rouge, il est mieux ancré dans Arrow, quoi. Même si tu as Ouais. toujours un vilain pourri, je donne des exemples. Vertigo, il revient deux fois, il sert à rien. Knocking, il est nul à chier, je crois qu'il revient une ou deux fois. Et Bronze Tiger, il vient une fois, après il revient. Mais ce cas, c'est qu'après, voilà, parallèlement à ces trucs-là, tu as toujours un gros fil rouge derrière, quoi. Ce qui fait que ça te maintient, quoi. C'est quand même pas. Smallville, j'ai jamais regardé, tu vois. Mais c'est quand même complètement différent des experts où tu as effectivement un méchant par épisode. Et puis il n'y a jamais de fil rouge, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, mais dans Smallville, dans la saison 1, surtout, bah, t'avais pas un grand fil rouge à La part le fin, fait Clark va-t-il sortir avec Lana. Donc, c'était, je veux dire, c'était leur plus gros fil rouge. Après, t'avais pas trop de fil rouge dans la saison 1. Comme dans Arrow, au tout début, dans les 3-4 premiers épisodes, t'avais pas un grand fil rouge à part barrer les noms de la liste. Donc maintenant, oui, le fil rouge est plus ancré Là, et ça démarre fort quand même. Les qui pilotes. a plus développé. Et maintenant, oui, Flash, par contre, c'est vrai qu'ils ont déjà des grosses possibilités. On voit déjà 2-3 fan service, mais c'est pas du fan service pour du fan service. C'est des trucs qui vont être réutilisés. On a clairement la présence de Zoom. On a Grot qui est teasé. Même On la dernière a donc image. La dernière image. ouais, on a surtout la Crisis qui est annoncée. Et en plus, donc le personnage qu'on pensait être amical, mais qui n'est pas du tout. Donc maintenant, on ne sait pas. Et visiblement, on vient du futur maintenant à voir est-ce que c'est Zoom, est-ce que c'est un autre voyageur du temps. En tout cas, C'est ça chaud. démarre fort, quoi. Pour un pilote, il te donne envie d'aller voir la suite, quoi. C'est sûr que oui, là, on sent déjà l'envie. Je veux dire, on se dit, on va pas se faire chier, quoi. Maintenant, j'espère qu'ils vont rassurer sur la continuité, qu'on n'aura surtout pas non plus trop d'histoires d'amoureuses qui risquent de plomber l'histoire. Mais j'espère qu'on aura. Je pense qu'il y a assez à faire avec Flash entre le côté Barry Allen enquêteur et Flash super-héros. Je pense qu'il y a assez à faire pour pas nous sortir 20 minutes de love story à chaque épisode. De toute façon, c'est comme Arrow. Bon, Arrow, je regarde parce qu'il y a mon côté fan de comics, quoi. Mais sinon, si jamais je lisais pas des comics, Arrow, je l'aurais jamais regardé de ma vie, quoi. Enfin, c'est absolument sûr et certain, quoi. Ouais, Alors que mais là, tu. Arrow, Ouais. c'est quand même vachement amélioré, je veux dire, niveau love story par rapport à la saison 1. La saison 2 était beaucoup plus calme. Ouais, certes, mais je veux dire, c'est. Tu regardes The 100 sur CW, c'est un peu le même délire. Enfin, c'est formaté teenage. Bah, j'ai vu trois épisodes, j'ai laissé tomber, tu vois. Là, c'est comme je suis fan, je passe outre les côtés mielleux. Mais sinon, quand je suis chez moi et que je me mate une série, Arrow, voilà, il n'y aurait pas ce côté comics. Franchement, voilà, j'aurais coupé depuis 100 ans, c'est sûr et certain, quoi. J'ai trouvé ça moins, voilà, moins, comment dire, moins pesant sur la série Flash, en fait. Ça fait, c'est vraiment lumineux, t'as vraiment le côté super-héros qui, voilà, je pense que, ouais. Moi j'ai bien accroché aussi hein, au pilote, j'ai trouvé ça vraiment cool, c'était positif, c'était pas dark, c'était pas violent, ça fait aussi du bien d'avoir voilà, des trucs un peu plus solaires, un peu plus Ouais, c'est ça, positif, quoi. Donc, c'est un peu super-héroïque, quoi, c'est ça. le Batman et le Superman du pauvre, quoi. T'as le côté, donc Batman c'est Arrow et puis Flash c'est Superman, quoi. Donc t'as Ouais. deux environnements différents, une ville dark, enfin, quand je dis qu'Arrow c'est dark, c'est vraiment entre parenthèses, hein, parce que c'est dark pour les gens de 8 ans, hein, c'est dark vite fait, quoi. Et à côté t'as Flash, voilà, la série beaucoup plus lumineuse, t'as deux tempéraments totalement opposés. Les acteurs, moi j'ai trouvé qu'ils jouaient tous correctement, quoi. Ça fait plaisir de revoir l'ancien Flash là, John machin là, Wesley Ship là. Lui c'était cool de le retrouver. Voilà, les clins d'œil un peu de partout, les effets spéciaux, bon ben c'est une série TV, hein, donc ils ont pas 200 millions d'euros de budget, donc pour une série TV les effets spéciaux c'est pas mal, ça passe bien. Voilà, ben, moi j'étais convaincu, ma seule crainte c'est voilà la durée, les effets spéciaux sur la durée, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir une telle cadence sur apparemment, il y aura au moins 16 épisodes. Donc, j'aurais peut-être préféré qu'ils en fassent que 12 ou 13, mais avec beaucoup de moyens, quoi. Que d'en faire 16 où il n'y a pas d'effet, ou qu'ils se retrouvent à faire des épisodes où il ne se passe rien. Comme un exemple, je sais pas si vous avez suivi Breaking Bad dans l'épisode La Mouche. C'est un épisode Oui. entier dans une pièce parce qu'ils n'avaient plus de budget. Donc, j'ai peur qu'il y ait des épisodes où il se passe rien, quoi. Mais sinon, globalement, je l'ai vu deux fois l'épisode. Je re-regarderai la version officielle. Mais moi, ouais, je suis convaincu carrément, quoi. Ouais, puis Grant Gustin, franchement, ça le fait vraiment bien dans le rôle. Il a déjà, ne serait-ce que physiquement, le fait que voilà, il soit pas bodybuildé comme la vieille série Flash. Enfin, ça c'est plutôt cool. Du coup, il a plus un physique de coureur, quoi, finalement. Donc, je trouve que ça colle assez bien. Il joue bien. Et Ah, puis en ça me plus, va. les gens ils critiquaient et tout. Bon, moi je critique jamais avant, enfin je sais parce que je trouve ça débile, mais voilà, il a vraiment la gueule pour jouer Barry dans le sens où voilà, c'est le mec un peu juvénile, un peu naïf. Tu vois que, enfin, je sais pas, quand tu le regardes dans Flash, voilà, il a l'air bon, je sais pas comment dire. Voilà, l'insouciance de la jeunesse, voilà, positif, tout ça, quoi. L'inverse total de Stephen Amell dans Arrow, quoi. Donc, moi je pense qu'ils ont réussi le casting quand même. Ouais. On va finir par Constantine. Oula. Donc Constantine, moi j'ai jamais lu rien sur lui. Donc j'ai vu l'épisode. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Bon, j'étais étonné, il y a eu la controverse sur la cigarette. C'est bizarre, tu vois c'est assez dégueulasse, tu vois des trucs bien pourris, notamment au début avec la bonne femme là, qui fait péter les vitres. Je suis étonné que la cigarette ça choque les gens, mais qu'à côté de ça, t'es des monstres dégueulasses dans tous les sens. Donc bon, ça c'est un peu le système américain, c'est un peu bizarre. Moi, l'épisode il m'a plu dans l'ensemble. Le seul truc qui gâche, c'est la connasse là, qui a tout le long. comme John Constantine, c'est un peu un anti-héros, donc je pense qu'ils ont voulu mettre un personnage en dehors de tout ça, on va dire normal comme vous et moi, pour qu'on puisse s'identifier à elle et rentrer dans l'univers, que le téléspectateur rentre dans l'univers en même temps qu'un nouveau personnage qui découvre l'environnement de Constantine. Mais en fait, ça gâche tout, quoi. Voilà. Elle est super relou, elle est toujours au milieu. Bon, apparemment, ils vont la bouger, ils vont en mettre une autre. Mais moi, je pense sans elle, ça aurait été plus sans concession, quoi. Vous en pensez quoi, les gars? Alors moi Constantine clairement j'ai pas aimé du tout hein. J'ai vraiment passé un mauvais moment pourtant ça démarrait bien hein, quand il est dans l'hôpital au début avec voilà comme tu disais l'espèce de fille possédée là qui fait péter les vitres et tout l'esthétique glauque j'ai adoré puis après en fait j'ai trouvé ça creux j'ai trouvé ça très mal joué mais autant de la part de l'acteur qui fait Constantine que de la connasse et Ah, elle était horrible. ouais non j'ai rien aimé ouais, ça m'a saoulé franchement et puis ouais je vais revenir là-dessus mais ouais la musique aussi là j'ai trouvé putain j'avais l'impression de voir Buffy contre les vampires quoi J'ai pas fait gaffe. donc Après, je me ouais dis, non il a la gueule, hein, le mec qui joue Constantine. ouais Ah, mais le problème, c'est... il a la gueule mais je trouve il lui manque enfin voilà le jeu d'acteur je trouve qu'il sonne trop faux quoi. C'est ce qu'il manque, il manque de la fumée, il manque des environnements bien crades, bien dégueulasses. C'est ça qui manque un peu. Ouais, Il ça faudrait manque de poisse. plus de ça, tu vois, et tu viens la bonne femme là, la dindasse au milieu là, et je pense que ça aurait été encore meilleur. Mais bon, après voilà, c'est un pilote, faudra voir sur la longueur. Vinch, ton avis? Bah moi, j'ai pas regardé l'épisode pilote de Constantine, tout simplement parce que je suis pas ultra fan déjà du personnage. Puis quand j'ai vu qu'il allait avoir pas mal de changements entre le pilote et la version officielle, je me suis dit que j'allais attendre pour voir la version officielle. D'accord. Ouais, parce que là, pour le coup, ça, à contrario de Flash, quoi, ils ont, y a vraiment énormément de modifications apportées dans Constantine. Hein. Ouais, mais Flash aussi, il y a beaucoup de modifications. Quand tu regardes bien, je sais plus, l'inspecteur là, le père de Iris, il existe dans la BD, je me rappelle plus. Je lis pas Flash. Parce que je sais qu'il y a un mec là qui a pris soin de Flash dans la BD, là. C'est un blanc dans le comics. Mais en tout cas, dans la BD, Iris, bon, couleur, on s'en bat les couilles. Hein. Mais dans la BD, le mec qui a pris soin de Flash, il n'a pas de fille. Sa fille, c'est pas Iris en Non, tout cas, quoi. Et voilà, il n'a pas été adopté par un flic. Hein. Enfin, je si, vais mais dire, tiens, vas-y, vas-y. le père d'Iris West, il existe, mais en fait c'est un alcoolo qui tabassait Oui, voilà, je me rappelle. son Oui, gosse, quoi. Maintenant c'est dans la version New 52, pré-New 52, j'ai mais aucune idée, même pré-New mais c'était pas 52, ça. il me semble pas que. Non, même je pense que je suis sûr, le mec qui s'occupe de Barry, c'est pas le père d'Iris, ça c'est clair et net, et il a pas vécu avec Iris toute sa vie, quoi. Donc ça, c'est une liberté qui est prise. Après, Harrison Wells, dans la BD, ouais, je crois qu'il existe dans DC Comics, mais bon, ça, comme j'ai pas lu énormément de trucs pré-New 52, je vais pas trop en dire, mais il y a quand même des libertés qui sont prises. Après, vu qu'il y a Geoff Jones derrière, je pense que ce sera quand même cohérent, quoi. Et après, ce que j'ai vu aussi, c'est que vu qu'Iris elle est black, ça peut ouvrir des portes, il disait, pour faire un Wally West black, vu que dans la BD, maintenant, Wally il est black. Ouais, à mon avis, c'était pensé pour, je crois, vu que c'est quand même Joe Jones qui est derrière. Donc, à mon avis, ils ont travaillé là-dessus, justement, pour que les gens ben, s'identifient facilement et passent plus facilement du comics à la série TV s'ils voient il y a Wally West et une famille West black Ouais, mais par contre, je pense dans. pas que Barry va crever de sitôt dans la BD, je pense. Je pense pas. Et dans la série, vu que ça démarre, ça m'étonnerait qu'il le fasse crever direct, quoi. Ben, déjà, il n'est pas censé mourir avant 10 ans, vu que pour un petit spoiler, et ben, à la fin, donc ils mettent le Flash a disparu, mais c'était donc 10 ans plus tard. Donc ça laisse 10 ans pour Barry. Mais bon, ils peuvent très bien faire intervenir Wally en tant que sidekick, comme il l'était pendant longtemps dans le comics à l'époque. Et Wally a quand même été sidekick, puis était dans les Teen Titans avant de devenir pleinement le Flash, quoi. C'est ce qui s'annonce d'ailleurs dans le comics aussi. Barry, je pense pas qu'il va mourir avant un petit moment, quoi. Vous avez autre chose à ajouter ou on passe au comics VF? Pff, Rien pour moi. non, c'est bon, comics VF. On va commencer par les VF. Comme ça, s'il y a des gens qui lisent pas la VO, ben au moins ils vont pas être spoilés et puis ils pourront nous quitter à la suite de ces reviews-là, quoi. Donc on va commencer donc Vinch, alors le Green Lantern 28, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, donc l'avant-dernier numéro normal. Donc là-dedans, ben, on a Green Lantern, Green Lantern Corps, New Guardian, Red Lantern et Earth 2. Donc, alors, je vais commencer donc par Green Lantern, le titre principal. Alors, ça continue sur la lancée qui avait été prise avec la fin du dernier crossover. Donc, Hal Jordan est toujours chef du corps. Et ils ont donc décidé d'interdire l'utilisation de la lumière pour tous ceux qui ne sont pas autorisés. Donc, c'est-à-dire, en fait, tous ceux qui ne sont pas Green Lantern. Donc, sur le coup, Hal Jordan, je trouve qu'il pète un peu les plombs. Il utilise les gros moyens. Donc, ils sont en prise avec un clan qui est dirigé par une Starfire, qui est un peu psychopathe certes, mais je veux dire, ils veulent l'arrêter tout simplement parce qu'il a utilisé la lumière. Donc maintenant, ils n'y arrivent pas parce que en fait, toute la planète presque, c'est le clan de la Starfire. Donc Hal Jordan, pour pas faire de demi-mesure, il décide de ramener tout le corps des Green Lanterns, plus une planète entière, Mogo, pour les arrêter. Ah, Ça fait un peu là c'est les dictature. ouais, c'est les Durlans là, non, c'est ça? Pas encore. Enfin, les Durlans sont derrière, mais c'est pas tout à fait eux. Donc c'est là, ils introduisent tout doucement les Ouais, Durlans. je me rappelle. Ouais, c'est là Donc que les moi j'ai trouvé ça là, c'est là que ça a commencé à me gaver parce que comment t'expliques donc Hal Jordan, le mec qui a été victorieux dans Blackest Night, il ait besoin d'appeler tout son corps pour affronter des petites tapettes aliens qui sortent de nulle part. Parce que je pense qu'ils veulent pas non plus les tuer tous, et parce qu'ils sont tellement nombreux qu'ils doivent arriver à massacrer trop. Enfin, c'est comme ça qu'ils le font passer. Donc, ils sont tellement nombreux que ça fait qu'il a besoin d'un rapport de force plus important. Maintenant, je trouve que ça fait un peu comme dictature. Il aurait pu soit essayer de négocier ou quoi, mais là, il se ramène avec tout le corps des Green Lanternes, une planète totale pour les menacer. Il fait trembler la moitié de la planète sur laquelle il est pour en gros dire vous la fermez, vous nous suivez. Donc, ensuite, effectivement, il y a les Durlans qui sont derrière tout ça. Donc, c'est eux qui manipulent plusieurs planètes, et je trouve ça, c'est vrai que ça devient un peu gros, parce que donc on les retrouve dans le titre qui est Green Lantern Corp. Donc là-dessus, de nouveau, les Green Lanterns sont envoyés pour régler un problème sur une planète extérieure, mais vu depuis ce qui s'est passé précédemment dans le crossover, les gens ont plutôt confiance en eux, et une fois de plus, les Durlans manipulent les habitants de la planète pour que les Green Lanterns soient mal vus. Donc apparemment, leur plan est en marche, et ils veulent détruire, pour pas changer, le corps des Green Lanterns. Ensuite, on passe au New Guardian. New Guardian, bah, c'est un peu, je veux dire, c'est pas trop lié pour le moment. Donc, c'est Kyle Rayner que tout le monde croit mort, mais qui ne l'est pas, et qui continue son petit bout de chemin avec les gardiens templiers. Et là, ils sont sur une planète où tout semblait être magnifique, sauf qu'en fait, les petits bonshommes qui vivent dessus sont des gros psychopathes. Ils manipulaient toutes les réalités pour voler, je veux dire, les bonnes fins aux gens, sauf pour et leur donner à eux. Donc là-dessus, l'arc avait été bien parti, je trouve, mais là, sur la conclusion, ça part un peu dans tous les sens. Il y a des doubles qui se bagarrent, tout le monde se tabasse, tout ça pour savoir qui est-ce qui a eu raison, qui a pas raison. Donc j'ai trouvé le numéro un peu moins intéressant, j'aurais trouvé une conclusion plus intéressante à cet arc-là. Donc, et à la fin, ils nous font du teasing encore après sur les nouveaux gardiens templiers qui sont peut-être pas non plus tout roses comme on peut le croire. Et donc voilà, donc ce numéro, je l'ai trouvé un peu plus fade comparé à ce qui était passé avant. Maintenant, on aura encore droit à un numéro, puis faudra se tourner vers la VO pour ceux qui veulent suivre New Guardian. Ouais, s'il y en a qui ont envie, quoi. Maintenant, Red Lantern 26, ça, donc c'est comme on l'avait dit au début, je ne savais pas, maintenant j'en suis sûr, c'est Charles Soule qui est au scénario. Et depuis qu'il est au scénario, bah, je trouve que c'est vachement bien reparti. Donc on a Guy Garner qui est dans les Red Lanterns. Au début, il a un peu de mal à se faire accepter, mais maintenant, il y est pleinement. C'est Red Lantern, et je trouve que les Red Lanterns ont bien évolué par rapport au début. Donc, au début, c'était vraiment une bande de tarés qui étaient sur une planète en sang et qui passaient leur temps à gerber et à vouloir tuer. Donc, maintenant, ils sont plus organisés, ils sont bien plus évolués. Donc, en toile principale, eh ben, on a donc Guy Garner et ses Red Lanterns qui sont capturés sur une planète d'un tyran, et qui veut se venger d'eux en les tuant. Bon, évidemment, ils vont réussir à s'enfuir. Donc ça, je vais pas trop expliquer en détail. Donc tout se passe bien, et en fond, on a Astrophysis, pardon, qui veut se venger absolument du fait que Guy Garner l'ait tué, enfin tué, entre guillemets, et qu'il ait chassé du corps. Donc lui, il veut revenir, il réussit à récupérer son anneau pour partir à la rencontre des Red Lanterns et récupérer son trône. Donc ça, c'est encore une fois, ils utilisent une guerre entre Astrophicus et Guy Garner. Maintenant, je suppose qu'on aura, enfin j'espère qu'on aura la fin, puisque ça part après avec Supergirl qu'on aura dans Superman Saga. Donc pour moi, Red Lantern, c'est une des séries que j'apprécie pas mal parce qu'elle se démarque un peu du reste du Green Lantern Vert pour le moment, mais surtout qu'elle évolue dans un bon sens. Les Red Lanterns ont un secteur, donc le secteur de la Terre. Guy Garner les dirige, et je vais dire maintenant ils sont censés, ils ont des dialogues, ils réfléchissent, et ils évoluent, je vais dire, dans une cause commune pour le moment. Donc, je trouve ça pas mal, plus intéressant que ce qu'on avait au début. Moi, le problème sur Red Lantern que j'ai, c'est que hormis Guy Gardner, les personnages, je les trouve pas charismatiques, quoi. Atrocitus, ouais, pas classe. Et l'espèce de gros monstre, là, l'espèce de truc gros, là, je me rappelle plus comment il est. Il y a un gars du crew, non, qui est assez gros, qui est bizarre, qui est chelou. Il y en a deux, ouais. Il y a une espèce de cerveau qui Ouais, c'est ça. d'ailleurs passe Voilà, à la voilà. trappe dans cet épisode-là. Et on a une espèce de grosse boule rouge qui était présente dans l'animé aussi. Voilà, tu vois, quand je vois Wonder Woman, Superman, tu vois ces trucs-là, ça m'attire pas des masses. Après, pour en revenir à Green Lantern, ouais, c'est ce que je te disais, moi, c'est le côté bourrin qui m'a saoulé. Le côté, je te dis, on envoie toute la galaxie, les mecs, c'est la police, et ils sont obligés d'envoyer tout leur corps pour attaquer une petite planète toute pourrie, là. Je trouvais ça un peu abusé, et puis après, plus ça va passer, et plus ça va être n'importe quoi. Tu me diras plus tard, mais moi, j'ai coupé après, un peu plus tard, 2-3 épisodes après, quoi. Je crois que j'avais coupé à ce moment-là. D'accord. Donc on va finir par les deux épisodes R2. Ah Donc oui, R2 aussi, R2, une série que j'adore. J'ai jamais, par contre, jamais compris pourquoi Green Lantern Saga. Je trouve qu'elle n'a pas sa place, mais bon, outre ce fait-là, ben, c'est une série que j'adore suivre chaque mois. ouais. Mais au début, il y avait au début quand ça a commencé, c'était pas mal sur Green Lantern. Au tout début, les 3-4 Ouais. premiers épisodes, c'est centré sur lui, quoi. Donc ils l'ont mis là, et puis peut-être pour remonter les ventes, je pense aussi, tu vois. Peut-être. Ouais. Donc maintenant, donc on se retrouve avec les merveilles qui ont décidé de s'allier avec d'autres merveilles pour combattre des résistants de l'armée d'Apocalypse qui avaient décidé donc de passer à l'attaque. Donc là-dessus, ben, on a du bourrin, du blockbuster au début. Donc il y a un combat qui est un peu expliqué en fil en arrière. Donc il nous explique que c'est Flash, donc le Flash de la Terre 2 qui parle. Qui est, j'ai oublié son prénom. C'est Garrick, hein? Ouais, Jake Harry, voilà. Le premier Flash. Honte à moi, j'ai oublié. Donc Jake Harry qui explique l'histoire, donc comment est-ce qu'ils sont retrouvés au tapis. Donc c'est un peu, ouais, comme je dis, donc du blockbuster, on en voit toutes les couleurs, c'est très beau, je trouve. C'est bien réalisé. Maintenant, c'est un peu, je vais dire, on s'attendait pas vraiment, c'est surprenant dans le sens où quand on voit l'avant-dernier épisode, donc le 14, on s'attendait pas trop au fait que les nouvelles merveilles, plus les merveilles de l'armée mondiale, se fassent démonter par trois merveilles ennemies, je vais dire, par trois monstruosités, si on peut dire. Donc clairement, l'armée mondiale se fait démonter, plus les merveilles se font démonter aussi. Chose étrange, les merveilles sont épargnées alors qu'elles auraient pu se faire tuer. On comprend pas trop pourquoi. En parallèle, il y a la fille de Wonder Woman qui continue à pourchasser deux héros de Apocalypse. Et alors, pour finir, Steppenwolf donc gagne totalement la bataille. Et au moment où il a à deux doigts de mettre à genoux le monde, et bien, il se fait littéralement couper en deux par suspense. Un revenant d'Apocalypse qui n'est autre que, spoiler, Superman, qui prône vive Darkseid. Ah ouais, ça Donc tue, hein, cette page-là. donc ça envoie du très lourd, du très très lourd. Donc on en a plein la vue pendant les deux épisodes, des combats, des super dessins, et surtout à la fin, le teasing, dont on s'en doutait un peu vu les pouvoirs, je veux dire, de l'homme. Mais là, on a vraiment Superman qui apparaît, et la page est magnifique. Puis on voit qu'il détruit littéralement la moitié de la planète avec son rayon laser, presque. Enfin, on voit une longue traînée, et donc à suivre dans Justice League Saga 12. Donc ça change de magazine, donc à partir de mi-octobre, ce sera Ertsu dans Justice League Saga. Artout, c'est vraiment bien, quoi. Et puis c'est toujours de pire en pire ce qui se passe, quoi. Ça s'arrange jamais, en fait. Des fois, t'as des lueurs d'espoir, mais après, le numéro d'après, ça repart encore plus en couille. Et là, vu la future série qui arrive, je pense que ça va mal se terminer. Mais c'est vrai que Non. c'est excellent, Artout. C'est là où je me C'est suis vraiment arrêté une moi très du coup bonne en série. VO Earth 2, là c'est la cette partie-là avec Superman. Là j'attends le prochain TPB, mais c'est clair que cette série elle est franchement géniale quoi. C'est vraiment une des meilleures séries des New 52. Hein. En plus, quand Robinson il est parti, on pouvait craindre une baisse de qualité, mais le mec qui a repris, c'est celui qui fait une justice, là. Je sais plus comment il s'appelle. Tom Taylor. Tom Taylor. Et c'est aussi bien, voire sinon mieux, quoi. C'est clair que faudrait que lui le mette sur Justice League un jour. Parce que là, il se fait plaisir et tout sur des univers parallèles comme ça, et une justice, mais je pense un mec comme lui sur Justice League, ça pourrait être pas mal quand Geoff Jones il va s'arrêter. Faut pas qu'il le perde de vue DC Comics ce mec-là parce qu'il commence à être approché par Marvel là, il va s'occuper d'Iron Man bientôt. Ouais, super, Iron Man, oh le délire. Ouais, j'ai vu. Faut qu'il le garde, bordel. Il y a Sorrentino aussi qui a déserté ce traître Ouais, pour aller aussi. faire un annuel X-Men, je crois. Ma foi. Bon. Donc, on va passer à Forever Evil numéro 3, donc le 3 sur 7. Alors je vais être un peu plus rapide parce que ça m'a moins marqué. Donc le titre principal Forever Evil, donc on est au troisième numéro. C'est toujours très lent. Les dessins sont mitigés, c'est du Finch. Donc des fois c'est très beau, des fois beaucoup moins. Donc l'histoire, ben, c'est lent, ça nous explique en fait ce qui est arrivé à la Justice League. Ça c'est le point intéressant. Sinon, on suit Batman et Lex Luthor principalement, puis rapidement aussi les Rogues. Bon, tout ça, ça se passe, donc comme je dis, c'est lent, c'est pas rapide, il pose vraiment les bases. Maintenant, on est déjà au troisième numéro sur 7, et j'espère que ça va un peu s'accélérer, parce que pour le moment, c'est beaucoup de répète et de répète, surtout comme on voit par exemple dans ce numéro-là, ben, la moitié de l'épisode juste de Forever Evil 3, en fait, il est répercuté, mais d'une autre façon, d'une autre vision Dans le flash. dans les Rogues Ouais. 3. Enfin, dans les Rogues 2, pardon. Donc, c'est intéressant, mais c'est pas non plus. Faut dire, ça donne envie de savoir la suite, mais on n'est pas transcendé par le numéro. Et je pense que c'est comme Trinity War, ça se lit en TPB, Forever Evil. En épisode, c'est chiant, dans le sens où ça avance pas des masses, et surtout quand ça a été publié en VO, il y a eu des retards. Donc ça, je pense que ça s'apprécie vraiment en TPB comme Trinity War, dont on parlera après, quoi. C'est là que ça prend tout son sens, je pense. Ouais, ça se torche d'un Alors. coup, hein, Forever Evil. Sinon, c'est. Ouais. Alors, ouais, en plus, en VO, avec les retards, ça avait été pénible. T'as Forever Evil Argus aussi qui est présent dans le magazine. Bah ça, je trouve c'est bien à Urban de l'avoir proposé pour avoir l'événement en complet. Mais c'est vraiment la série pour le moment qui a vraiment pas trois pattes à un canard. Moi, je kiffais, tu vois, Argus, j'aimais bien, tu vois. Je préférais ça à Arkham War, quoi. Vas-y, vas-y. J'y reviendrai après. Donc, c'est pas, je trouve pas ça génial. C'est pas non plus merdique, je vais dire, mais c'est pas non plus ma série préférée. Pour le moment, c'est pas, je trouve, très intéressant. On suit Steve. Ouais. Donc, on le Steve suit dans sa. Trevor. Ouais, Trevor. Qui Faut cherche pas faire comme l'assaut, non, c'est Urban. ça? Ouais. Faut pas faire comme Urban. Donc, ouais, Steve Trevor, mais bon, en même temps, je trouve ça un peu. Enfin, je sais pas, il est face à Deathstroke et à d'autres surhumains, il s'en sort tant bien que mal. Et puis, je veux dire, c'est pas, enfin, j'arrive pas à expliquer, mais l'histoire m'a pas vraiment surpris. Je trouve que c'est aussi hyper lent, Moi, je kiffais perso. bien le concept de la chambre verte là, avec le président. Ça, tu vois, Ouais, je trouvais que c'était intéressant. maintenant, ça n'a pas encore été développé plus que ça. Donc, dans cet épisode-ci, il ouvre la chambre verte. La chambre verte dit qu'elle est très heureuse de le voir, mais après, ça s'arrête là. Il rentre dedans et on n'en sait pas plus. Je sais pas si ça sera développé plus par la suite, je le découvrirai. Mais sinon, ouais, donc ça se clôture sur Steve Trevor qui arrive devant un miroir et qui parle à trois aveugles qui font partie de l'univers de Wonder Woman, je crois. Mais dans la série Wonder Woman, je suis en retard, mais je les ai pas vus encore. Mais c'est ça, ouais, je crois que c'est ça. Donc Rogue Rebellion, bah, ça retrace un peu ce qui se passe dans Forever Evil 3, mais du point de vue des Lascars. Il n'y a pas grand chose qui se passe à part leur combat contre le parasite. Ouais, ça, c'est Parasite vraiment qui. de la série fun, vraiment Ouais. tranquille pour les fans de Flash, quoi. Sinon, les Perso, mecs. j'adore, mais c'est vrai qu'elle est pas. Pour le moment, j'aime bien l'histoire, mais c'est pas trop prise de tête. Je veux dire, c'est Lascar, c'est cool, c'est fun, mais c'est pas vraiment. Je veux dire, c'est vraiment un teasing, pas important à l'histoire, mais qui est plaisant à lire. Ouais, c'est vraiment une mini, et même jusqu'à la fin, tu verras, c'est fun, mais ça, voilà, c'est pas super ambitieux, quoi. C'est vraiment pour les fans de Flash, quoi. Et maintenant, ouais, le pire pour moi, c'est Arkham War. Au début, quand je lisais les teasings là-dessus, je me disais ça peut être super intéressant, mais pour le moment, c'est pas du tout intéressant. Enfin, je veux dire, c'est bourrin, c'est Bane qui veut prendre Gotham. Il tabasse, il tabasse, il se fait tabasser, il tabasse des gens, il manipule, mais on sait pas trop où est-ce qu'il veut en venir pour le moment. Il n'y a pas grand intérêt à part. Et pour moi, le seul intérêt, c'est vraiment de voir comment Gotham a évolué pendant Forever Evil, mais à part ça, actuellement, c'est pas terrible. Les dessins sont pas mauvais, mais. Le contenu en lui-même, c'est un peu n'importe quoi. Donc on va voir comment ça va évoluer dans l'avenir, mais pour le moment, je trouve que c'est un peu limite comme série. Pour moi, c'est la moins bonne des Forever Evil actuelles. D'accord. Bah moi, tu vois, je t'aurais dit numéro 1, Argus, sans parler d'event principal. Argus numéro 1, parce que j'aimais bien les concepts dedans, là, c'était intéressant, ça changeait d'habitude. Flash, enfin, Rogue Rebellion, ouais, numéro 2, c'était fun, voilà, ça se lit tranquille, quoi, mais voilà, faut pas en demander plus. Et Arkham War, ouais, je crois que j'ai lu un numéro, et puis de la baston. Si je veux de la baston, j'achète Naruto, quoi. J'achète pas Batman, 24 pages de baston. Enfin, bref. Bon, bah, on va passer au review VF, mais en mode librairie. Donc on attaque par Infinite Crisis, on va passer la main à Spectra un petit peu. Allez, ben Affinity Crisis, donc du coup que j'ai franchement bien aimé. J'ai franchement bien aimé, assez inégal au niveau du dessin, hein, de toute manière, ça c'est. Ils sont un paquet dessus, mais sinon au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc ça commence avec Blue Beetle qui se fait voler du matos, qui se fait ruiner, qui mène un petit peu son enquête et qui finit par se faire buter. En fait, on apprend que voilà que tout ça est contrôlé par Maxwell Lord. Et j'en dirai pas plus au niveau de l'histoire. Franchement, c'est un incontournable de DC. Moi, je dirais qu'avant de lire ça, il faut lire Identity Crisis Oui, oui, oui. pour vraiment se mettre Ouais. bien dans le contexte, parce que c'est les mecs qui sont tous en mode suspicieux, en mode parano. Le truc qui va tout déclencher, ça va être vraiment la mort de Blue Beetle. À savoir que quand il va se rendre compte qu'il est en train de se faire ruiner, il va commencer une enquête, il va demander de l'aide à la Justice League, mais tout le monde s'en bat les couilles de lui en fait. Donc voilà, et puis jusqu'au tragique événement qui est carrément sur la couverture d'Urban, quoi. Donc merci Urban pour le spoil, parce que bon, t'as même pas ouvert le truc, tu sais ce qui se passe. Et donc voilà, à partir de là, ça part. Et puis moi, je l'ai pas lu en VO cette série, j'avais lu que le début. Et c'est vrai que plus ça avance, et plus les enjeux deviennent colossaux. Et ce qui est bien dans cette édition, c'est qu'ils aient mis. Parce qu'en fait, ils auraient très bien pu faire les bourrins et mettre directement la mini-série Infinite Crisis. Sauf qu'avant, il y a eu 5 petits, 5 mini. Et donc, c'est vraiment bien de partir du début, de publier Countdown et de mettre les détails comme Superman ou celui de Wonder Woman, là. Notamment quand elle va buter un mec et que ça aura énormément d'importance, quoi. Si on n'a pas ça, c'est un peu gênant. Donc là, franchement, Urban, ils ont fait du méchant travail, quoi. Le seul point négatif, c'est les dessins. Et à des fois, j'ai vraiment du mal. Mais l'histoire est tellement bien que bah, voilà, le truc ici est d'une traite, quoi. C'est vraiment. Ça augure du très très bon pour la suite, quoi. Vinch, ton avis? Ouais, bah, j'ai adoré aussi. J'avais lu à l'époque, un peu au début, quand Panini avait pas publié, mais vu que c'était tellement mal publié, j'ai arrêté. Mais là, j'ai vraiment adoré. Déjà, j'ai adoré le fait que ça se commence avec des personnages secondaires comme Blue Beetle et Booster Gold. Ensuite, ouais, Identity Crisis, c'est absolument obligatoire à lire avant pour moi. Déjà, on en fait référence quelques fois, et puis il faut vraiment le lire pour comprendre le contexte, comme tu dis. Ensuite, je trouvais ça bien réalisé, bien écrit. C'est vrai que les dessins sont un peu inégaux, mais. Je veux dire, ça se lit, je veux dire, c'est tellement bien raconté, et puis on est tellement dans l'histoire que c'est pas vraiment le truc, on le fait plus Ouais, c'est clair. pas le plus important. Donc c'est vraiment une bonne lecture pour moi, et j'ai hâte de savoir la suite. Mais je pense que j'ai dû lire tout le volume en 2 heures, quoi. Tellement que j'étais dedans. Donc voilà, j'ai adoré, j'ai hâte de voir la suite. On va passer à Geoff Johns présente Superman. Bah, j'ai vu les critiques. Il y a tout le monde qui avait le kiki tout dur en lisant ce numéro. Bah, je me suis fait chier en fait. Cette collection, à part les deux premiers numéros, que j'ai vraiment trouvé super puissant là. L'épisode sur la Légion, bon ben j'avais jamais eu de Légion avant, donc ça doit sûrement être bien pour les grands fans, mais moi j'ai rien compris du tout. Et cet épisode, ben voilà, hormis la dernière page qui est intéressante, sinon tout le reste, moi j'ai trouvé ça très très très classique. Le seul truc à sauver pour moi, c'est les dessins de Gary Frank. Après, niveau histoire, je préférais largement le tout premier tome que je trouvais vraiment bien écrit. Voilà, donc je suis un peu déçu, bon je vais la finir hein, de cette collection, mais en espérant que le prochain tome, qui soi-disant est très très bon, là, Origine Secrète, on relève le niveau. Mais sinon ce numéro, ouais, franchement je suis déçu, c'est une histoire vraiment classique, quoi. Je vous écoute les gars, Vinch? Moi j'ai très bien aimé, bah, D'accord. surtout après les deux numéros sur la Légion, parce que moi non plus j'ai jamais vraiment lu la Légion, donc je trouvais ça un peu chiant dans le sens où je n'y connaissais rien, donc il y avait des personnages qui arrivaient de partout, que j'étais pas attaché, donc enfin de toute façon j'ai pas trop apprécié. Donc ce numéro-là on se reconcentrait sur Superman, donc dans l'ensemble j'ai bien aimé, surtout sur tout ce qui était origine de Brainiac, etc. J'ai trouvé comment c'était amené intéressant, puis j'ai le truc le plus révélateur, je veux dire, c'est la fin. Voilà. Ça c'était vraiment bien aussi quand on voit ce qui se passe, donc où il recrée Condor. Donc c'est aussi maintenant pour moi un peu un point noir, c'est Supergirl. Je la connais pas du tout parce que je sais qu'il y a eu plusieurs versions de Supergirl, mais dans cette version-là en tout cas, je trouve qu'elle est carrément teubée. Donc je trouvais pas intéressante, elle est un peu conne. Je sais pas depuis combien de temps elle est sur Terre à ce moment-là, mais elle se pointe au Daily Planet habillée en Supergirl. Bonjour, je cherche Clark. Limite, ça ne dit pas que c'est son cousin. Donc elle a l'air un peu neuneu, fille qui pleure pour rien. J'ai trouvé ça un peu dommage d'exploiter le personnage comme ça. Sinon, truc que j'ai remarqué aussi dans ce numéro-là, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais Clark Kent, enfin Superman, ressemble quand même étrangement à l'acteur qui a joué Superman dans les années. Qui a fait les films en fait. Je tombe plus sur son nom, Richard, ouais, Reeve. Richard Reeve, c'est ça? Christopher Reeve, Christopher Reeve. Donc je trouve qu'il ressemble vachement à Christopher Reeve, je sais pas si c'est voulu ou pas. Mais en tout cas, sur certains plans, on a l'impression qu'ils ont dessiné l'acteur. Maintenant, je vais finir la collection, j'espère que le dernier numéro sera aussi bien que le début, que celui-là, j'ai bien apprécié, même si c'est vrai que c'est pas peut-être pas le meilleur numéro du monde, mais j'ai trouvé que le sujet était bien traité avec Brainiac. J'ai trouvé ça quand même très très très classique quoi. Bon bref. Spectra, ton avis, tu l'as lu? Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai même pas lu les autres, donc du coup, je serai sans avis là-dessus. D'accord. Bon ben on va passer au dernier, Justice League, tome 5, qui veut commencer? Ben, je vais commencer du coup. Vas-y. Donc Trinity War, hein, apparemment, c'est ça. Donc ça y est, on y est. Donc la guerre des ligues. Franchement, c'est. Ouais. C'est. Comment dire? C'est un arc que pas terrible. C'est un prologue plutôt sympa à ce qui va arriver en fait dans Forever Evil. J'ai bien aimé le premier. Le premier chapitre et le dernier, on va dire. Parce que le reste, hein, ça reste quand même assez superflu, quoi. Il se passe pas grand-chose. Sans parler des considérations qu'il y a eu autour, que c'était teasé comme l'event du siècle, sans parler de ça, et qu'en fin de compte c'est juste un prologue à Forever Evil, intrinsèquement j'ai trouvé ça pas mauvais moi, tu vois, j'ai trouvé ça intéressant, il y a beaucoup de personnages, c'est riche. Ce qui m'a gêné, ouais bon c'est vrai que c'est pas ça casse pas non plus trois pattes à un canard, il y a pas mal de baston, même si les personnages ils sont pas non plus complètement débiles quoi, ils sont pas non plus constamment en train de se mettre sur la gueule, il y a beaucoup de discussions. Un point noir, c'est les dessins de Doug Mankey avec sa Wonder Woman en mode transsexuel. C'est pas possible quoi. Enfin, je sais pas si c'est l'ancrage, mais les épisodes qui sont faits par lui, hormis Green Lantern, je déteste. Après les dessins d'Ivan Reis, bon, c'est magnifique. Les dessins de Michael Hanin, là, bon, c'est beau. Hein. C'est pas mon dessinateur préféré, mais c'est beau. Je l'ai pas encore fini, mais une chose est sûre, c'est que ça c'est pareil. Ça se lit mieux en TPB. En plus, ils ont rajouté d'autres épisodes pour être bien dans le contexte, notamment l'épisode de Pandora et l'épisode de Phantom Stranger, même si l'épisode de Pandora apporte plus que celui de Phantom Stranger, voilà, je pense que c'est un TPB, c'est un lire en TPB, c'est un truc blockbuster comme jusqu'à maintenant, quoi. Et puis les gens qui veulent de la complexité, bah, vous inquiétez pas, avec ce qui est teasé là, ça va bientôt arriver, et il y a beaucoup de monde, je pense, qui vont se perdre dans les années à venir avec tout ce qu'ils ont prévu de faire d'ici, quoi. Donc voilà, si vous avez fait votre collection, vous avez commencé, ouais, il faut le lire, il faut l'acheter, quoi. Voilà. Vinch? Donc bah moi j'ai apprécié, je vais dire, mais j'ai trouvé ça vraiment mauvais dans le sens où ça a tellement été teasé. Quand je l'ai lu, en fait, j'ai trouvé les personnages très cons parce que tout Ah, commence d'accord. donc avec Shazam qui, mais bon, on va dire Shazam, il a 13 ans, donc ça passe, il se rend dans le pays le Kandak, je pense. Quand d'accord. Ouais, donc c'est pas, mais c'est les super-héros, ils sont interdits pour répandre les cendres de Black Adam, donc là passons, lui, il est pas au courant. Là-dessus, la Justice League se décide à aller les chercher, ce que je trouve déjà très con, alors que deux épisodes avant, je pense, Batman, Superman et Wonder Woman avaient été engueulés parce qu'ils avaient été là. Donc ça, déjà, passons, c'est très con. Mais en plus, le gouvernement américain décide d'envoyer la Justice League américaine pour arrêter la Justice League et Shazam pour essayer de se faire bien voir. Mais bon, vu extérieur, le Cap d'Ac, ce qu'il va voir, c'est plein de super-héros qui les envahissent. Donc déjà là-dessus, passons, j'ai trouvé ça très bête. Ensuite, le fait que Superman soit atteint par un éclat de kryptonite, donc il tue sans faire exprès le Dr. Light. Mais à part ça, je veux dire, Ça, il passe leur temps. ils le disent dans ce tome-là? Je suppose, puisque s'il est con. Ouais, il est complet, donc on le sait tout à la fin Ah, il est que. complet, putain, je l'ai même pas fini, ça craint, quoi. Je fais une review, j'ai même pas fini. Vas-y, ouais, Donc, d'accord. à part ça, je vais dire, ça c'était le seul élément de mystère, mais sinon ils passent leur temps à se taper sur la gueule, à changer Allez. d'équipe, à rechanger d'équipe pour au final, ils savent même pas pourquoi. Tout ça pour essayer d'avoir cette putain de boîte de Pandore, sans vraiment savoir pourquoi. De ce que j'ai reproché au personnage, c'est que dans le développement, ben, j'ai trouvé qu'il réfléchissait pas assez. Donc il parle, c'est vrai, mais il parle pour s'engueuler, pour dire non, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. On va dire qu'on va mettre ça sur l'influence de la boîte de Pandore, mais j'ai trouvé ça fort bourrin comme event. Ouais, mais c'est aussi un peu en lien avec tout ce qu'on reprochait, c'est-à-dire que maintenant la Justice League c'est plus une bande de super amis, ils sont tous un peu, ils sont pas tous très confiants. Donc c'est en Donc lien c'est tout avec à ce fait qu'il y avait possible. depuis le début, quoi, tu vois. Ouais, enfin j'ai trouvé ça dans le sens où il changeait fort d'équipe, il se bastonnait pour pas grand-chose, il savait pas très bien, j'avais l'impression que c'était un peu un cafouillage, dans le sens où ça allait s'apprêter dans tous les sens, et on s'attendait à plus maintenant. C'est vrai que pris dans le contexte global, c'est un bon event parce que c'est un très bon prologue à Forever Evil, parce qu'on s'y attendait vraiment pas, je vais dire, dans le sens où on pensait que c'était Trinity War, le gros event, mais en fait c'était juste le prologue et ça annonçait la venue des gens de Erstree. Maintenant, c'est vrai que quand on prend l'event dans sa globalité, je trouve ça intéressant parce que c'est quand même donc la société secrète qui a tout fait, la société secrète des super-vilains. Ils ont tout orchestré, ils ont tout planifié et les héros se sont fait avoir comme des bleus. Non, ce que je reproche à l'event, c'est surtout que les super-héros sont un peu bastonnés et n'ont pas vraiment réfléchi. Je trouve Alors, ça pas trop réfléchi. ce qui est bien, c'est qu'aussi chacun a sa théorie sur pourquoi donc Superman il est corrompu, quoi. Chacun a sa théorie, il n'y a pas un mec qui vient d'entrer et trouver la solution, quoi. Donc ça, moi, je trouvais que Ça, c'est c'était... vrai que c'était le truc intéressant. Voilà, C'est et attends, il y a un autre truc qui était bien fait aussi, c'est le traître. Bon, ben voilà, le traître, celui qui avait trouvé qui c'était, Ouais, bah, ça, on s'y bravo à attendait lui, pas du quoi. tout. Ah ouais. Mais je trouvais ça bien fait aussi parce que beaucoup personne s'est posé la question. C'est vrai que même moi, j'ai vu que c'était une fille Atom et je me suis dit, ah bah tiens, ils ont changé Atom pour le New 52, ils ont fait venir une femme. Mais je pense que pas, y a pas grand monde qui se sont dit, dû au fait du New 52 que tout était chamboulé, personne s'est dit, ah tiens, c'est bizarre que Atom ce soit une meuf Bien et qu'elle sûr. soit black, quoi. Voilà. Et moi, je trouve qu'il y a plein de petits éléments comme ça qui sont bien trouvés, quoi. Maintenant, ouais, c'est ça, il pourra bien apprécier l'event, je trouve qu'il faut le comprendre dans sa globalité. Mais à première lecture, j'étais un peu déçu. Mais il faut vraiment connaître tout dans sa globalité pour trouver ça bon, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de clins d'œil, plein de trucs qui ont été faits et qu'on se dit, ah ouais, putain, ça c'était là pour ça et ça c'était là pour ça. Spectra? Pas mieux que vous. Je trouve ça juste un peu dommage que. Enfin, j'ai l'impression que ce pauvre Superman, à chaque début d'event, de crossover, il est balayé, quoi. Bon, après, c'est un des personnages les plus puissants, donc ça peut l'expliquer aussi, mais ouais, moi, ça a manqué de Superman, quoi. Même si ça se tient au niveau de l'histoire et tout. Voilà, j'ai l'impression que c'est toujours le grand puni des crossovers. S'il n'est pas manipulé ou blessé d'emblée, voilà. Quelque chose à rajouter, Vinch? Non, du tout. Bon. C'est bon pour moi. Bon, bah alors, on va passer au review VO. Tu nous quittes là, Vinch? Ouais, je vais vous laisser pour cette fois-ci, parce que comme il y a pas mal de spoilers et que je suis pas encore arrivé là. Donc, bonne review VO et à la prochaine. À Ça la marche. prochaine, Salut. Vinch. Salut. Salut. Alors bon, on n'est plus que tous les deux. Alors, donc, on va commencer donc les review VO, donc avec un mois concerné par Futures End, mais bon, on va quand même commencer par Multiversity Volume 2, par Morrison et Chris Prusse. Donc Spectra, je t'écoute, je l'ai pas lu celui-là encore. Hein. Dis-moi ce que t'en as Alors, pensé. Multiversity 2, donc Society of Super Heroes, Conquerors from the Counterworld. Voilà, rien que ça pour le titre, Putain. désolé pour l'accent. Et au crédit, Morrison, Sprouse, Story, Wong, McGag. Voilà, comme ça on est bon. On continue d'explorer un peu les terres parallèles, ce qui se passe dessus. C'est très bien dessiné, très bien écrit. Une autre version des super-héros. Là, on est dans une terre qui fait face à une invasion avec des zombies, avec Vandal Savage. C'est violent. C'est franchement pas mal du tout. Il y a plein de clins d'œil, plein de personnages. On croise Sinestro, on croise Dogfate. C'est une lecture intéressante des personnages. Après, le Mieux que le seul. premier? De quoi? C'est plus intéressant que le premier? J'ai préféré celui-ci au premier. Après, le seul truc que je regrette avec Multiversity, c'est de pas avoir les connaissances DCI complètes pour apprécier pleinement l'événement, quoi. Ouais, t'as pas un doctorat d'ici, quoi. Ouais, Putain, non, d'accord. c'est dommage, et du coup ça fout pas en l'air la lecture, parce que même avec le bagage aussi humble que j'ai, j'arrive à apercevoir certaines choses, mais putain, c'est vrai que si j'avais les connaissances complètes, je pense que je serais vraiment à fond dessus, quoi. Parce que le premier, moi je l'avais lu, bon, c'est pareil, il y a plein de références, il y en a que j'ai compris, il y en a sûrement un paquet que j'ai pas compris parce que j'ai pas assez de connaissances. Mais bon, il y a tout le monde qui bande dessus, mais le premier, je veux dire, l'histoire elle est classique, quoi, il y a rien d'extraordinaire, quoi. Ouais, alors après, c'est l'histoire, même sur le 2, hein, ça reste assez classique, mais voilà, c'est vraiment du classique bien fait. Et puis, Il est plus intéressant, je trouve, que le Multiversity numéro 1. D'accord, bon, je recommande alors. Ouais, puis ouais, grave. Je le recommande fortement. Puis voilà, il y a au niveau des dessins, cette touche un peu pulp. C'est ouais, c'est coloré, c'est classe, un petit peu. Non, franchement, c'est joli. C'est joli. D'accord. Bon, alors on va rentrer donc dans le mois futur Zen. Donc, bon, moi je vais chroniquer Green Lantern donc par Venditti au scénario et par Martin Coccolo et Aaron Lopresti au dessin. Donc Green Lantern, moi je disais tout à l'heure, j'avais arrêté à l'époque des Durlan, quoi. Je trouvais que c'était bourrin et puis Durlan devenait con, ça m'avait saoulé. Donc là j'ai repris. Bon, c'est un bon numéro. En fait, on se retrouve avec le numéro, il commence avec Hal Jordan qui se bat aux côtés de Relic. Bon, Relic, je trouve que c'était un bon personnage. Ça amenait une touche différente, quoi. Il se battait contre les lanternes, mais il avait sa raison, une bonne raison. Et donc là, on le voit opposé à Krona, qui est donc devenu le boss des Black Lanternes. Et en fait, juste après ça, on a un petit flashback où on le voit Hal chez lui, et puis il y a son père qui lui donne une visite, son père qui est mort donc à l'époque, et qui vient ressusciter en Black Lantern. Et donc ben là, en fait, ce qui est bon, c'est que ça rejoint l'event principal du mois, donc à savoir que moi, où j'en suis, hein, je suis pas à jour, mais il n'y a pas de Green Lantern encore dans Future End. Donc là, il t'explique qu'après la fameuse guerre qui a été teasée un million de fois, ben, pendant la guerre, il n'était pas là, lui, il était à l'autre bout du monde en train de sauver une planète en bois, là. Et donc, du coup, ben, en revenant, il a vu le désastre. Donc, du coup, ben, il a dit, voilà, vu que j'ai pas été capable de protéger la Terre, je démissionne. Et donc, son père, il va l'aider à redevenir un Green Lantern. Et donc, voilà, ça va repartir sur ce fameux combat avec les Black Lanternes. Et bon, voilà, donc là, le lien entre ça et le moi, c'est cool. Le lien entre ça et exact, et même ce qu'ont fait les scénaristes jusqu'à maintenant, notamment avec la présence de Relic, ben, c'est pareil, ça fait plaisir à ceux qui suivent la série régulièrement, notamment la dernière page où on revoit et en plus le fameux mur là, du bout de l'univers là. Donc ouais, franchement, c'est un bon numéro. Le mec qui suit une Green Lantern, il va sûrement kiffer. Le mec qui a jamais lu Green Lantern, n'achetez pas ça, vous allez rien comprendre, c'est sûr et certain. Sinon, voilà, le fan ou le mec qui lit DC Comics, hein, qui s'y connaît, qui est à jour, il va passer un bon moment, quoi. Donc je le recommande pour les gens qui suivent. Contrairement à Aquaman de Dan Jurgens au scénario et Alvaro Martinez, donc lui qui s'occupe des dessins. Aquaman, pareil, j'ai arrêté quand Geoff Johns il est parti, il y a le nouveau qui est arrivé, Jeff Parker, il a dit qu'il ferait un truc dans le même ton, même ambiance, tout ça. Il nous a bien niqué parce que depuis qu'il est là, il n'y a que de la baston. Alors une fois, il fracasse un espèce de gros poisson tout pourri. Et la fois d'après, il se bat contre un espèce de sous-Hercule. Donc j'ai lu 3 numéros, 4 numéros, j'ai laissé tomber. Là, j'ai repris et bon, ben, j'ai lu celui-là, mais je ne reprendrai pas la série de sitôt. Donc maintenant, Aquaman, il n'est plus avec Mera. Il se tape Yawara, la meuf des The Others. Et donc, en fait, il y a encore un énième conflit parce que donc pendant la fameuse guerre, les Atlantes, ils ont filé un coup de main aux Terriens, et en fin de compte, à la suite de ça, les Terriens, ils ont voulu bah, à leur tour leur rendre l'appareil et les aider aux Atlantes parce que leur fonds sous-marin, ils avaient été dévastés par les troupes d'Apocalypse. Et donc Aquaman, il a refusé parce que en échange de leur aide, les Terriens, ils voulaient pouvoir exploiter les gisements pétroliers qu'il y a au fond de la mer. Donc ça, le concept est bon, mais on se refrappe encore. Ce délire de Arthur au milieu des humains et des mecs de l'eau, peut-être que ça fait partie de l'ADN du personnage maintenant, mais bon, moi ça commence à me saouler. On se recogne le roi mort là, donc voilà, on l'a vu il y a 6 mois, il redébarque, donc ça c'est pareil, j'ai trouvé ça m'a saoulé. Je veux dire, s'ils peuvent pas inventer un truc plus original, et pour couronner le tout, il est associé à une Mera méchante. Donc voilà, numéro à déconseiller quoi, complètement nul, aucun intérêt. Tu l'as lu, Spectra ou pas? Non, Non, pas du tout. je l'ai pas lu Aquaman parce que du coup Aquaman c'est une des rares séries que je suis en VF. Ouais, ça va pas durer longtemps, tu verras. Et encore je la suis en librairie donc du coup j'ai pas mal de retard là-dessus. Ouais, bah d'après ce que tu dis, ça y a l'air d'avoir quand même de bonnes idées mais ça a l'air assez mal exploité quoi finalement. Ouais, c'est nul. Enfin, moi, je me suis fait chier, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Je veux dire, putain, y a pas d'autre mec que le Death King et Maître Mera méchante. Enfin, à un moment donné. Je sais pas, c'est leur boulot, putain, trouver des idées, quoi. Enfin, je sais pas. Déçu. Moi, en VF, je le suis en librairie. J'achèterai le dernier tome de Geoff Johns. Après, je m'arrête là, quoi. Je vais me faire mon run non officiel de Geoff Johns sur Aquaman. Mais après, s'ils continuent à publier du Jeff Parker, moi, je laisse tomber, quoi. Si je veux de la baston, j'achète Dragon Ball en manga, quoi. Voilà, ça m'a saoulé aussi. Ensuite, bon, on va passer à Superman, que tu as lu. J'ai lu C'est quoi? le ouais, j'ai lu le Superman Future Ends. Donc du coup focalisé sur le encore attention accent anglais pourri sur le masqué de Superman. Franchement bon numéro. Alors je suis pas Future Ends la série Mais c'est régulière. lié, non? Il est lié avec Future Ends. Ouais, il est lié parce que du coup l'identité je sais pas où c'en est dans Future Ends mais là l'identité est révélée. Ouais, il était révélé un peu avant, ouais. Ouais, Voilà, bah il était révélé. du coup, j'ai été clairement surpris. C'est l'histoire, là aussi, hein, une histoire assez classique, mais plutôt bien foutue. Et puis, ouais, plutôt intéressant le concept de qui reprend la cape Le de costume. Superman. Enfin, la cape, façon de parler. Mais... Mais bon, c'est à conseiller un mec qui est à jour à Future Zone quand même. Sinon, il va se faire niquer la gueule comme toi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, moi, pour l'instant, je me fais bien niquer la gueule et le porte-monnaie là, ce mois-ci. Mais comment témoigne le Justice League que j'ai acheté. Mais non, franchement, je le recommande à quelqu'un qui suit Future Ends, sans souci. D'accord. Moi, j'ai lu l'autre, le Action Comics. Bon, pour moi, c'est peut-être, de ce que j'ai lu, c'est peut-être un des meilleurs numéros. En fait, les crédits, Charlie Fish au scénario et Pascal Alix, c'est un Français, hein. Je sais pas si y a sûrement des auditeurs qui doivent connaître, c'est un pote de Olivier Coipel qui bosse chez Marvel, et Vicente Cifuentes au dessin. Bon, le style, il est vraiment pas mal. Alors, en fait, dans Future End, on nous avait donc dit que Clark il était parti, il avait laissé tomber. Donc là, on sait où il est. Donc, il est au milieu du désert et il essaie de faire pousser des plantes. Je crois qu'il est en Somalie, je me rappelle plus, un pays d'Afrique noire. Et pendant ce temps-là, il y a une espèce de substance chelou là, qui ressemble à Superman en fait. Et qui va avoir des sortes de familles, des cas sociaux, quoi. Donc on a une femme qui s'est suicidée, un mec qui tape sa femme, et le dernier, un mec qui est embêté par des autres gens et vu qu'il les fracasse tous, quoi. Donc en fait, voilà, l'espèce d'entité chelou va leur donner des pouvoirs pendant une journée et leur permettre donc de décider de leur vie en fait, de faire un choix s'ils veulent rester comme ça ou passer à autre chose. Et donc en fait c'est un bon numéro parce que voilà je pense que l'entité ça représente vraiment Superman, tout ce que représente Superman, l'espoir, l'abnégation, le courage, la bonté. Je pense qu'ils ont voulu faire une lettre d'amour au personnage et ça passe vraiment très bien quoi. C'est pas ça signe en one shot. Voilà, c'est un bon épisode de Superman quoi. Après ça fait pas avancer énormément l'event hebdomadaire, hormis peut-être la dernière page. Mais ouais, je pense pour les gens qui aiment Superman, c'est un numéro à lire. Il est très bien écrit ce numéro et il est très bien dessiné aussi. Bah écoute, tu le vends plutôt bien quoi pour un personnage qui a été quand même pas mal malmené dans sa carrière dans les New 52. Ouais, mais là, Superman, depuis quelques temps, Ouais, ça revient bien. Le c'est Superman bien était. revenu, ouais, je faisais surtout référence au début quoi, mais c'est vrai que le Action Comics là, tel que tu le décris, en tout cas, ça donne bien envie de se pencher dessus. Ouais, Superman, ils ont fait du bon boulot. Doomhead, bon, c'est pas Blackest Night, mais bon, c'est vraiment pas mal. C'est sympa, c'est un bon event d'été. Tu prends Superman de Geoff Johns. Il y a deux numéros sortis, je crois. Moi, franchement, j'adore. Ouais. Action Comics, je viens de lire le 35. C'est pas mal. Voilà, ils font du. Ah, Superman, c'est bien reparti, quoi. J'ai lu quoi? Ah oui, j'ai lu le Batman, donc par Ray Fox et Snyder au dessin. Et les dessins, au scénario Ray Fox et Snyder et au dessin Ako. Bon, c'est une purge, c'est le pire numéro que j'ai lu, c'est nul à chier, pire qu'Aquaman. Alors en fait, il y a deux façons d'aborder le numéro, soit en cherchant un lien avec Future Zen Lebdo, mais comme là où j'en suis, il n'y a pas eu de Batman, donc t'arrives pas à t'ancrer sur une base solide. Soit en le prenant comme un numéro. Où ils se font plaisir, où il n'y a pas d'éditeur qui vient leur casser les couilles et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bon, donc dans les deux cas, c'est mauvais. Donc on voit Batman qui est en train de petit à petit mourir. Il a une colonne vertébrale bionique, 5 ans dans le futur donc. Et donc pour survivre, il va devoir aller récupérer un truc dans le QG de Lex Luthor. Donc en fait, tout le numéro, c'est de la baston, c'est nul à chier. Et la dernière page, donc il trouve la solution à son problème. Et là, encore une fois, c'est super cliché quoi. Donc c'est vraiment le numéro à ne pas lire quoi, à laisser tomber, même si t'es fan de Batman, tu vas perdre ton fric là-dedans parce que ça n'apporte absolument rien du tout. Voilà, quoi dire de plus? Moi, Ray Fox, je laisse tomber, j'avais lu des trucs sur lui, sur Batman Eternal, c'était le pire, enfin, Eternal ça tue, hein. Mais je crois que c'est lui qui avait fait l'arc avec Batwing et le Spectre, Ouais, j'avais c'est trouvé lui. ça, voilà, bon, j'avais trouvé ça mauvais, là c'est mauvais. Donc ouais, Ray Fox, je pense que c'est comme Jeff Parker maintenant, je vais faire attention parce que voilà, je veux dire, putain, même si tu t'ancres pas sur la série hebdomadaire, t'as le mec qui te dit, voilà, t'es dans 5 ans, tu peux faire ce que tu veux. Trouve-moi autre chose que d'aller chercher un truc pourri dans le building de Lex Luthor, quoi. Bah, je sais pas, il y a des millions de gens qui aimeraient écrire un scénario sur Batman. Ouais. Pour moi, c'est gâché, c'est totalement gâché. On va passer ensuite au Flash. de Banditti et Jans et Van Jensen au scénario et Brett Booth au dessin. J'ai trop kiffé. À savoir que Clash, à chaque fois, il a de la chance parce qu'à chaque fois qu'il y a un numéro comme ça, Event, ils arrivent à lier ça à la série principale. Et donc là, vu que la série, depuis numéro 30, c'est basé sur, en gros, le Reverse Flash qui se rapproche petit à petit de notre époque pour éviter un drame, en l'occurrence la mort de Wally West et l'handicap de Iris West. Et donc là, donc, jusqu'à maintenant, on le suivait revenir 25 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans, etc. Et là, donc, on arrive à 5 ans dans le futur, donc ça colle parfaitement avec le mois spécial, parfaitement avec la série. Donc voilà, là c'est vraiment coup double. Et donc voilà, donc, ce qui était teasé au début du numéro, donc la mort de Wally West, et ben là on va enfin le voir, on va enfin voir ce que le Flash du futur est venu pour inverser comme truc. Et bon, il y a juste un truc qui m'a un peu gêné. Il y a un personnage qui meurt, donc on se demande comment c'est possible. Si lui il est mort, comment il y a. Moi je vais spoiler, mais l'équivalent de lui du futur, vu que le Flash du futur tue le Barry de 5 ans dans le futur, pourquoi lui ne meurt pas en même temps? Enfin, normalement, c'est logique, quoi. T'sais. Peut-être que j'ai mal compris, qu'il faudrait que je le relise. Mais sinon, à part ça, c'est une tuerie. Brett Booth, à la base, je ne suis pas un énorme fan, mais sur Flash, il se gave. Franchement, son style dynamique, ça va très bien avec la série. D'ailleurs, un petit peu de promotion pour mon blog. J'ai réussi à avoir une interview de lui, donc si ça vous dit, vous venez sur mon blog pour voir un peu ce qu'il a dit. D'ailleurs, ouais, merci encore pour ta femme qui a traduit l'interview, parce qu'il y avait beaucoup d'argot, c'était pas évident à traduire. Oh mais de rien, on s'est penché dessus. Par contre, le mec répond clairement à côté des questions, hein, c'est chaud, hein. Je lui avais dit, avant, je lui avais dit s'il y a des trucs qui sont un peu trop. Si j'en demande trop, vous répondez un peu ce que vous voulez, quoi. Donc il y a des fois, c'est vrai qu'il est. Il répond à côté, mais après mon anglais il n'est pas non plus parfait, donc il y a des fois aussi je pense qu'il n'a pas du tout bien saisi la question, mais bon, il répond quand même au principal. Ouais, c'est vrai. Notamment jusqu'à quand il reste sur l'épisode, notamment qu'il est un petit peu au courant, mais pas trop de ce qui va arriver dans le futur des DC, et il n'a pas le droit de le dire, donc c'est quand même intéressant quand même. Ouais, grave. Voilà. Non, non, elle est cool, hein, l'interview, franchement. Bon, on va finir par Booster Gold et Superman Doomed. Bon, moi, Superman Doomed, je l'ai lu, je vais pas le chroniquer, bon, c'est pas mal, mais bon, c'est pas. Voilà, c'est pas mal, pareil, il y a pas mal de baston, mais l'intérêt de ces deux numéros, c'est quand même les dernières pages. Donc toi, qu'est-ce qu'on utilise sur l'event à venir dans Booster Gold? Parce que je Alors. l'ai pas lu, moi, celui-là. Alors du coup le Booster Gold, donc accrochez-vous bien, toujours accent anglais pourri, Georgiens, Morita, Rapmoon, Lytle, Thompson, Erwine, Friends, Anna, Boots. Bon alors honnêtement j'ai rien compris du coup. voilà, Booster Gold c'est un personnage que je découvre en plus, donc donc en parallèle, on a Booster Gold qui se retrouve projeté dans diverses époques et à chaque époque correspond un dessinateur. Donc c'est plus ou moins bien réussi. Il y a des petits clins d'œil à l'univers DC, à Kirby. On a un moment, il est projeté dans l'univers de Kamandi. Et en parallèle, on a un autre Booster Gold qui est capturé. Pour je ne sais quelle raison, franchement, c'est un grand moment de what the fuck cette lecture. J'ai eu mal à la tête, quoi. J'ai rien compris. Alors d'après ce que le peu que j'ai eu accès, c'est qu'il y avait le Booster Gold des News 52 et le Booster Gold de l'ancienne continuité, ce qui du coup fait le Lien. spoiler, hein, mais le corrélat avec la fin de Superman Doomed 2. Voilà, donc Superman Doom 2, en fait, la dernière page, donc là ça va spoiler. Donc en fait, on voit donc Brainiac, Superman à la fin de Superman Doom 2, il se défait de l'emprise de Doom sur lui. Et donc il balance Brainiac dans un trou noir. Superman, on sait pas où il va, mais bon, on s'en bat les couilles. C'est pas important de toute façon dans Action Comics. Vous le direz, un 35 qui est sorti hier, vous le lirez, vous le saurez. C'est pas extraordinaire son issue, on s'en doute bien. Mais Brainiac, il arrive dans une espèce de zone chelou où il voit le multiverse pré-New 52 en fait. Et donc c'est là que ça devient intéressant et qu'il y a plein de théories qui s'affrontent. Donc notamment, certains pensent que c'est une autre Terre. Certains autres pensent qu'en fait l'univers pré-New 52 c'est la même continuité que les New 52, que voilà en fait il y a eu l'univers toutes les numéros des crises les unes après les autres qui se suivent dans une même continuité et que maintenant le futur des pré-New 52 c'est les New 52. Moi j'ai une autre théorie, et un gars sur mon blog il m'a encouragé d'ailleurs là-dessus, c'est qu'en fait je pense qu'il y a plusieurs multivers. Parce que tu peux pas dire qu'il y a le multivers qui te montre sur la dernière photo qui sont en fait sur une autre Terre. Tu as une Terre, t'as pas une Terre avec un. Comment expliquer? Tu peux pas avoir une Terre avec dans cette même Terre plusieurs Terres. Donc c'est forcément un multivers. Et donc sur cette photo, on voit Superman en slip. On voit les Teen Titans de Wolfman et Perez. On voit Shazam de Earth-S. Donc Earth-S, je savais pas ce que c'était, je me suis renseigné. Apparemment, c'est la Terre à l'époque des titres Fawcett Comics. Donc voilà, ça remonte. Et voilà, il y a plusieurs autres personnages. Je me rappelle plus, j'ai pas capté toute la Et référence. Et donc voilà. je crois qu'il y a le, il me semble qu'il y a le Aquaman de Flashpoint aussi. C'est ça, il y a la de. Il y a le Aquaman de Flashpoint, ouais, exactement, qui se bat avec. Je me rappelle plus avec qui, ouais. Ouais, il y a pas mal de trucs. Mais donc voilà, moi, ma théorie, c'est que c'est en fait, ça, il y aura plusieurs multivers dans l'univers d'ici. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est plutôt chaud avec moi ou tu penses que t'as une autre théorie? Ou tu penses que c'est le. Il voit le passé, Brainiac? Je sais pas. Alors, ta théorie, je trouve qu'elle elle s'argumente bien, elle colle plutôt bien. Après, moi, de base, comme ça, j'aurais été plutôt parti que tout faisait partie d'une même continuité, en fait. Mais Ouais, ça tient aussi, ouais. là, tu me fous le doute, du coup. Mais c'est vrai que c'est dans tous les cas, c'est un joyeux bordel, quoi. Parce qu'en fait, Brainiac, il est assimilé par une voix. On voit, il y a une voix qui dit qu'elle essaie d'assimiler Brainiac. Une fois, il y a un échec. Après, il réussit. Et là, il est là sur la photo. Vous la trouverez sur tous les sites. Et en fait, il est au milieu. Et puis, on voit donc toutes les réalités. Et lui, il est là au milieu. Et puis, il se rend compte de tout ça. Et apparemment, dans Futurzen, je crois que Brainiac débarque également. Donc, moi, je pense qu'il y aurait peut-être plusieurs multivers. En attendant, le potentiel est quand même assez énorme pour la suite, quoi. Bah du coup ouais, vivement World's End et l'event qui nous tease de temps en Ouais, temps. par contre, ça va être dur d'être à la page parce que moi, Future Zen, je suis en retard et là, World's End, il débarque dans une semaine, donc va falloir être bien en lien parce que si tu lis l'un avant l'autre, tu risques de te faire spoiler parce que de toute façon, à la fin, tout va se rejoindre, forcément, quoi. Ouais, bah c'est en tout cas ce qu'ils ont l'air d'annoncer. Ouais, voilà. Eh bien, écoute, je crois qu'on en a fini, non, avec tout ça. Eh ben, ma foi, oui, on a juste, j'ai juste oublié de créditer Superman, donc c'était par George Jens, Wicks et Mac Gagg. D'accord. Bon, on Voilà. va passer à notre vie en dehors des comics. T'as découvert des trucs ou je sais pas. T'es parti en voyage, t'as kiffé? Raconte-nous un peu. Non, en voyage, non. En voyage vidéoludique, peut-être, du coup, là, en ce moment, je traîne pas mal dans les Caraïbes, dans Assassin's Creed 4, que je recommande fortement si des gens ne sont pas penchés dessus. C'est la version qu'on aurait dû avoir avec le 3. C'est moins buggé, c'est beau, c'est cool, ça envoie. Et sinon, qu'est-ce que je me suis jeté en jeu vidéo? Là, je me suis fait un petit. Ouais, South Park, le bâton de la vérité, qui est. Paraît que c'est énorme, paraît que c'est Ouais. énorme. C'est franchement chouette. C'est franchement chouette. D'accord. Puis sinon, niveau lecture, j'ai fini le dernier bouquin du Trône de Fer. Et donc voilà, soyez sympas, sinon je vous spoilerai tout pour au moins 2-3 saisons. C'est Game of Thrones, ça, c'est le livre inspiré Ouais, de Game of c'est Thrones ça. par le même auteur. Bah, moi, j'ai découvert une série complètement énorme, Viking. Je me suis maté 2 saisons, donc 19 épisodes en 2 jours. C'est complètement énorme, quoi. Tu t'as entendu parler ou pas du tout? Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. En fait, ça explique la légende, hein, parce qu'en fait, le personnage, on sait qu'il existait, mais bon, tous les faits qui lui sont rapportés, tout n'a pas été prouvé, parce qu'on lui a un peu tout mis sur le dos, et ça semble impossible qu'il ait réussi à tout faire. Donc en fait, c'est le Viking qui aurait à l'époque unifié, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait plusieurs clans de Vikings, et c'est le mec qui aurait réussi à unifier tous les clans Vikings. Et donc qui aurait permis donc à ce nouveau peuple d'envahir tous les pays aux alentours. Donc au début ça commence, le mec il est simple fermier, et donc petit à petit il va évoluer. Au début donc, on se rend compte qu'ils vont envahir que les terres de l'Est. Et donc lui là il va avoir l'ambition d'attaquer les terres de l'Ouest. À l'époque tout le monde pensait qu'à l'Ouest c'était là, il n'y avait rien quoi, il n'y avait que de la mer. Et donc c'est lui qui va être l'instigateur des premières conquêtes de l'Ouest, entre guillemets. Donc j'ai fait ça, c'est complètement énorme. Sinon, je me suis maté pareil les 4 saisons de Boardwalk Empire. Je sais pas si tu connais Ouais, je vois ce que l'écran. c'est, ouais. Bon, là, c'est différent. Le rythme est très très très lent. L'ambiance 1920, moi je suis pas fan, mais bon, voilà. Après, une fois que t'es dedans, ça gêne plus quoi. Et donc, c'est à Atlantic City dans les années 20, donc c'est à l'époque des débuts de la prohibition en fait. Et donc, on va suivre un mec donc qui est trésorier du parti républicain, et donc qui est pourri quoi. Et donc, il va commencer donc à vendre de l'alcool. Donc il y a énormément de personnages, il y a pas mal de personnages qui ont existé. Le personnage central, il a existé, mais on va dire ils l'ont un peu arrangé pour la série. On voit Al Capone, l'acteur il est fantastique, quoi, il fait vraiment rêver. Il y a notamment Zod de Superman, il a un rôle un peu psycho dedans, il joue super bien aussi. Il y a un mec de The Wire, bon, le célèbre Omar, il joue trop bien. Voilà. Il y a un tas de chefs de gang qui ont existé, donc ça se passe à Atlantic City, il y a des liens avec Chicago, donc qui dit Chicago dit... merde, Al Capone, on voit les mafieux de New York, et voilà, donc le rythme est lent, mais ouais, c'est vraiment super intéressant, quoi. Et là, il y a la saison 5 qui a débuté, donc c'est vraiment une super série. Et sinon, pour terminer, bah, je suis en vacances, et donc samedi, je m'envole pour la Thaïlande pour un mois, donc ça va être le kiff ultime, quoi. Enfoiré. Ouais, un mois de vacances, ça va être trop le top, quoi. Donc voilà ce que j'ai fait, ce que je vais faire pour les jours à venir. Ou allô, bon bah écoute, je crois qu'on a fini, donc on va... Quelque chose à ajouter, Spectra? Eh ben non, non, non, rien à rajouter. Ça me paraît plutôt complet. Là, ce coup-ci, je crois qu'on n'a rien oublié, hein. Ouais, là je pense qu'on a été bon, on n'a rien zappé, voilà, donc voilà, tout le monde, tous ceux qui nous écoutaient, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires, soit sur la page flash-point.podomatique, ou soit sur le blog centralcitystar.wordpress.com. Voilà, mettez des commentaires, partagez le podcast, dites-nous ce qui vous plaît, dites-nous ce qui vous plaît pas. On a rajouté de nouvelles rubriques, là, notamment la rumeur pourrie du mois et la déclaration du mois. Donc on va se tenir sur ça pour les prochains épisodes. Si vous voulez qu'on rajoute d'autres rubriques ou qu'on en enlève, qu'il y en a qui vous plaisent pas ou peu importe, envoyez-nous des commentaires, dites-nous tout ce que vous voulez. Vous pouvez nous suivre sur Twitter. Vous allez sur mon blog, vous aurez toutes les coordonnées. Voilà. En espérant que ça vous ait plu, et on vous dit donc à dans un mois donc pour le podcast qui traitera d'octobre. Donc moi vu que je serai pas là, ben normalement le prochain podcast sera publié, c'est pareil, je pense début novembre, quoi, un peu avant le 5, normalement. Voilà, on vous dit tous à bientôt. À bientôt Salut tout le Spectra. monde. Ciao, ciao Ali.